السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا en cette soirée du mercredi 10 Safar 1433 de l'Hégire, ce qui correspond avec le 4 janvier 2012 bi'idhnillah ta'ala. Donc nous sommes toujours avec les six fondements de l'éminent savant cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab alayhi rahmatullah. Nous avons jusque-là étudié quatre fondements, il en reste deux, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. On va juste faire une révision et passer, incha'Allah ta'ala, au cinquième fondement. Donc le premier fondement parle de la sincérité. Et comme quoi, toute action, toute adoration avec laquelle on veut se rapprocher vers le Seigneur est invalide si elle ne se base pas sur la sincérité. Toute action qui ne se base pas d'abord sur la sincérité n'est pas valide auprès du Seigneur Azzawajal. Et bien sûr, il y a aussi une deuxième condition, c'est que ça soit aussi basé sur le suivi du messager alayhi salatu salam. Car la sincérité elle-même toute seule ne suffit pas, et le suivi du messager alayhi salatu salam tout seul ne suffit pas. On peut être sincère, mais si on n'a pas le suivi du messager, on va faire des bidas, des hérésies. Naam. Et on peut suivre le messager alayhi salatu salam et ne pas être sincère. On va faire de l'ostentation. On va faire de l'ostentation. Donc, sincérité sans suivi, ça donne quoi? Ça donne yani, de grandes fautes et ça donne des bidas. Et suivi du messager alayhi salatu salam sans qu'il y ait sincérité, ça donne quoi? Ça donne ostentation. Ça, c'est le premier fondement. Le deuxième fondement, parler de yani, l'exhortation à s'unir dans la religion, à converger dans la religion, à ne pas diverger dans la religion, à ne pas se désunir dans la religion. Et, alhamdoulilah, al-sunnah wa jama'a sont unis dans la religion, du moins dans la aqidah. Du moins dans la aqidah, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Le troisième fondement, bi'idhnillah azza wa jal, c'était, yani, parler de l'exhortation à l'obéissance au gouverneur, à l'obéissance au gouverneur musulman. Et la base chez les pieux prédécesseurs et salaf, radiyallahu ta'ala anhum, c'est quoi? C'est que le gouverneur, c'est une base, une règle générale, le gouverneur, tant qu'il est musulman, tant qu'il n'a pas encore mécru ni apostasié, on doit lui obéir dans tout ce qu'il ordonne, à condition que ce qu'il ordonne ne soit pas contredit par le Coran et la Sunna. C'est tout. Tout ce qu'ordonne le gouverneur qui ne se contredit pas avec le Coran et la Sunna, on doit lui obéir jusqu'à ce qu'il devienne mécréant ou bien il apostasie. Non. Ça, c'est une règle chez le Salaf, radiyallahu ta'ala anhu. Quatrième fondement, c'est le fait de montrer qui sont les vrais savants et quel est le mérite de la science. Non. Et aussi, si on va montrer les vrais savants, c'est aussi pour ôter le voile ôter le voile sur qui? Sur les faux savants. Car beaucoup de gens ne connaissent pas qui sont les vrais savants et qui sont les faux. C'est pour ça que, par exemple, beaucoup de gens, chez vous, par exemple, en France, quand ils parlent de, par exemple, Tariq Ramadan, ils disent c'est un savant, un grand savant même. Non. Même moi, des fois, j'ai reçu des mails où certaines personnes, surtout des femmes, certaines, miskinettes, elles disent de lui que c'est un savant celui-là. Masha'Allah, non. Tariq Ramadan, c'est un savant. Et ils disent que c'est pas permis de parler de lui. C'est pas bien de parler de Tariq Ramadan, ou bien Iquissen, comment il s'appelle. C'est pas bien de parler d'eux. Ça rentre dans la médisance. Quand tu dis qu'ils sont en train d'égarer les gens, et qu'il faut faire attention à eux, et qu'il faut mettre en garde contre eux, pour que les gens ne tombent pas dans leur déviance. Ils te disent tu es en train de faire de la médisance. Non, c'est haram ce que tu fais. Et bien sûr, ce sont des djouhels qui disent des choses pareilles, car ils ne savent pas qu'il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus grand, peut-être adoration, après Tawhid, que de quoi? Que de montrer aux gens le vrai chemin et de mettre en garde contre les gens de la bid'a et les gens de la déviance. Non. Et c'était le quatrième fondement. Le cinquième fondement d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, c'est, on va parler de quoi? Je vais le résumer d'abord. On va parler, après avoir parlé et montré quels sont les grands savants, quels sont les vrais savants et quels sont les faux, aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, le Cheikh Rahimahullah va montrer quels sont les vrais élus. Et les vrais bien-aimés, l'awliya, les vrais alliés d'Allah Azzawajal, et comment les distinguer des faux élus et des faux alliés. Donc, Cheikh Rahimahullah dit, l'aslul khamis, je vais lire d'abord en arabe ce qu'il a dit, ensuite le traduire en français et lire l'explication de Cheikh Ibn Uthaymin Rahimahullah. Il a dit, Bayanullahi subhanahu li awliya'illahi wa tafriquhu بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران وهي قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آل عمران 31 الآية وآية في سورة المائدة وهي قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الآية 54 سورة المائدة وآية في يونس وهي قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سورة يونس الآيتان 62 63 ثم صار الأمر عند الله أكثر ثم صار الأمر عند الله أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لابد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم ولابد من ترك الجهاد فمن جهد فليس منهم ولابد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم ثم يدير الشيخ رحمه الله يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. Donc, l'explication de ce que j'ai lu en arabe, Cheikh Mohamed Abou Abrahimallah a dit, Allah Azzawajal a montré d'une façon très claire ses alliés ou bien-aimés et les a distingués de ses ennemis, des hypocrites pervers qui usurpent leur apparence par imposture. Les quelques versets qui suivent on donne une assez précise caractérisation. Ainsi donc, Allah Azza wa Jal dit dans Surat la famille d'Imran, Ali Imran, dit, c'est-à-dire Ya Muhammad, dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera. Et dans la Surat Al-Ma'ida, il a dit aussi, ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime. Et dans la sourate Yunus, il a dit aussi, en vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés. Ceux qui croient et qui craignent Allah Azza wa Jalla. Ensuite, le shirk dit, il est advenu par la suite, d'après la plupart de ceux qui se prétendent les tenants du pouvoir, les guides des hommes et les protecteurs de la loi divine, que les bien-aimés d'Allah doivent nécessairement ne pas suivre l'exemple du messager. Car quiconque suit leur exemple ne saurait faire partie des bien-aimés d'Allah. Ils ne doivent obligatoirement pas pratiquer la lutte pour la cause d'Allah, le djihad. Car quiconque le fait n'en fait pas partie. Ils doivent également aussi s'écarter de la foi et de la piété. Car quiconque persévère dans la foi et la piété n'en fait pas partie. Ensuite, le cheikh a dit, il a fait une invocation, il a dit, Seigneur, nous implorons ton pardon. Nous implorons ton pardon et ta protection. Toi qui entends bien l'invocation. Cheikh ibn Uthaymin rahimahullah dit, أولياء الله تعالى هم الذين آمنوا به واتقوه واتقوه واستقاموا على دينه. Il a dit, les élus d'Allah, les bien-aimés, ce sont qui? Les alliés d'Allah, il a dit, ce sont ceux qui ont cru en lui. واتقوه. Et aussi, ceux qui le craignent. Ceux qui le craignent. واستقاموا على دينه. Et ceux qui n'ont pas dévié. N'ont pas dévié de son dîme, de sa religion. Vous avez remarqué? Les bien-aimés de Allah, ce sont ceux qui ont cru en Allah Azza wa Jalla, mais ça ne suffit pas. Mais aussi le craignent. On peut croire en Allah et ne pas le craindre. Donc pour être un élu, il faut croire en Allah Azza wa Jalla et le craindre aussi. Et les élus de Allah, ce sont ceux qui Allah Ta'ala les a décrits en disant Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. En vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés. Qui sont-ils? Il a dit Alladhina amanu wa kanu ittaqun. Ce sont ceux qui croient et qui craignent Allah Azza wa Jalla. Yunus 62-63. Donc le verset est très clair quant à la description des bien-aimés d'Allah Azza wa Jalla et des élus. C'est pas n'importe qui peut dire que je suis un élu. On va voir s'il remplit les conditions de ce verset. Yunus 62-63. Les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés. Ce sont qui? Ce sont ceux qui croient en Allah Azza wa Jalla et qui le craignent. Croire et craindre Allah Azza wa Jalla. Le Cheikh Rahimahullah dit فليس كل من يدعي الولاية يكون وليا. Il a dit, ce n'est pas n'importe quelle personne qui va prétendre qu'elle est un bien-aimé ou bien un allié que ça veut dire que c'est un allié, c'est un bien-aimé. Il a dit non, c'est pas évident. Pas évident et absolu. Que toute personne qui dit je suis un élu d'Allah, alors c'est un élu d'Allah. Il a dit non. Car si c'était ainsi, alors toute personne va prétendre cette chose. Toute personne. Ah, celui qui boit l'alcool et qui vend de l'alcool aussi, va prétendre qu'il est un élu d'Allah Azza wa Jalla. On me dit que vous n'avez pas fait le quatrième fondement. Subhanallah al-Azim. Si j'avais pas fait le quatrième fondement, cher, si j'avais pas fait le quatrième fondement. Rentre dans le site. Rentre dans le site, tu vas voir. C'est écrit quatrième fondement. Wallahu ta'ala alam. Moi, je suis basé sur le titre. Je suis rentré dans mon site, j'ai vu. Dernier cours, c'est écrit quatrième fondement. Al-Mu'im. Il a dit ici. C'est marqué cours numéro 4. Ça y est, une seconde. Une seconde, je vais vérifier. Une seconde. C'est vrai, l'Akh Mohamed. C'est écrit cours numéro 4. J'ai cru fondement numéro 4. C'est moi qui me suis trompé, ça. Mais je ne sais pas si j'ai pas fait le quatrième fondement. Je ne sais pas si je l'ai pas fait. Une seconde. frère, Inch'Allah, une seconde, je vais jeter un coup d'œil sur le quatrième fondement pour vous dire si je l'ai fait ou pas. Une seconde, hein? Vous avez vérifié, une seconde. Très bien. Maadish. Donc, Inch'Allah ta'ala, donc, Inch'Allah ta'ala, le prochain cours, ce sera le quatrième fondement. Donc, les six fondements, en fait, les six fondements ne sont pas liés l'un à l'autre. De façon à ce que, si on commence par le cinquième, on ne peut pas faire le quatrième. Vous savez, vous avez compris. Ce n'est pas des choses qui se suivent. Ce sont des choses, yani, dissociées. Chaque fondement est dissocié de l'autre. Vous m'avez compris. C'est pour ça que, indépendant, jazakallah, indépendant, c'est pour ça que, puisque maintenant j'ai préparé le cinquième fondement, j'ai aussi la traduction des versets en français. Si je vais lire le quatrième fondement, je vais lire seulement en arabe. Il n'y a pas la traduction des versets en français. C'est pour ça qu'on va le laisser à la prochaine fois, inshallah ta'ala. Et ensuite, quoi? Et ensuite, vous dans le site, et surtout, Erh Mohamed et ceux qui enregistrent, ils vont mettre dans le site d'abord le quatrième fondement, ensuite le cinquième fondement, bi'idhnillah subhanahu azzawajal. Donc le cheikh a dit, rahimahullah, il a dit, ce n'est pas toute personne qui va dire que je suis un élu d'Allah, ça veut dire qu'elle est un élu d'Allah. Sinon, toute personne va prétendre cette chose. Mais, mais, par contre, qu'est-ce qu'on va faire? Celui qui dit et qui prétend comme quoi c'est un élu, on va quoi? On va peser, c'est quoi ses actions, hein, sur la balance de quoi? Il a dit sur la balance de la foi et de la piété. De la foi et de la piété. Si on va trouver que ses actions sont basées sur la foi et la piété, comme a dit le verset, on va dire de lui, tu es un élu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, si ce qu'il fait n'est pas basé sur la piété et la foi et la piété, on va dire de lui, tu n'es qu'un menteur, quelqu'un qui prétend. تزكيته لنفسه وذلك ينافي تقوى الله عز وجل لأن الله يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. Je répète, ce n'est pas toute personne peut prétendre qu'elle est un élu d'Allah Azza wa Jalla, un bien-aimé. Sinon, toute personne l'aurait quoi? L'aurait prétendu. Par contre, si quelqu'un dit, je suis un élu d'Allah Azza wa Jalla, on va quoi? On va peser ses actions. On va voir, est-ce que ses actions sont basées sur la foi et la piété? Si oui, on va dire tu es un élu d'Allah. Sinon, on va lui dire d'un côté tu es un menteur et de l'autre tu as fait quoi? Tu t'es fait des éloges. Tu t'es fait des éloges à toi-même. Tu t'es fait de la tizkiya. Alors que Allah Ta'ala dit, fala tuzakku anfusakum. Allah Ta'ala dit, ne vantez pas vous-même votre pureté. Ne vantez pas vous-même votre pureté. C'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. C'est lui, Allah Azza wa Jalla, qui connaît mieux ceux qui le craignent. Sourate An-Najm, hein, verset 32. فَإِذَا دَعَا أَنَّهُ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ فَقَدْ زَكَّى نَفْسَهُ. Si une personne prétend qu'elle est quoi un élu d'Allah Azza wa Jalla et qu'elle ne l'est pas, donc elle a fait quoi? Elle s'est vantée elle-même. فَقَدْ زَكَّى نَفْسَهُ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ وَاقِعًا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ. Et dans ce cas, en se vantant lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé dans un péché. Un péché, na'am, ma'siyatillah. Wa fi ma nahaha Allah anhu. Il est tombé dans ce que Allah Ta'ala lui a interdit. Car Allah Ta'ala lui a interdit qu'il se vante lui-même et qu'il se fasse des éloges à lui-même. Wa hada yunafi at-taqwa. Et cette chose-là contredit quoi? Contredit la piété. Alors qu'on a vu que l'élu d'Allah a deux choses. Il a la foi et la piété. Et toi, là, tu viens de contredire la piété en te faisant de la tizkiya à toi-même. فَأَوْلِيَاءُ اللَّهِ لَا يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بِمِثْلِ هَذِهِ الشَّهَادَةِ. Il a dit, les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala ne se vantent pas eux-mêmes, ne se font pas des éloges avec un témoignage pareil. Un témoignage pareil. en disant moi je suis un élu. Non. Mais par contre, les élus d'Allah croient en Allah Azza wa Jal et le craignent, ils le craignent. وَيَقُومُونَ بِطَاعَتِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْوَجْهِ الْأَكْمَلِ. Et ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala en essayant de faire le maximum pour s'approcher au maximum de quoi? De la perfection, de la perfection. وَلَا يَغُرُّونَ النَّاسِ وَلَا يَغُرُّونَ النَّاسِ وَيَخْدَعُونَهُمْ بِهَذِهِ الدَّعْوَى حَتَّى يُضِلُّهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Il a dit, les élus d'Allah ne trompent pas les gens, ne trompent pas les gens, ils ne les dupent pas. Ne les dupe pas avec une prétention pareille, un témoignage pareil, en disant je suis un élu d'Allah. Les bien-aimés d'Allah ne trompent pas les gens, ne mentent pas sur les gens, ne les dupe pas pour les égarer du droit chemin. Pour les égarer du droit chemin. Ça me rappelle une fois une personne qui, subhanallah azza wa jal, subhanallah l'adhim, je n'ai jamais vu une personne dans ma vie aussi prétentieuse que celle-là, qui prétend qu'elle a de la science. Comme cette personne-là, ou l'ayyadu billah. Et cette personne, naam, chez les gens de la masse, pour les gens de la masse croyaient que c'était vraiment yani, un grand savant, cette personne, et un élu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au point où quelqu'un m'a raconté que cette personne dont je suis en train de parler, comme quoi c'est un savant, c'est un élu d'Allah, allait des fois quand elle allait au marché, elle allait chez un boucher. Et ce boucher avait son père qui était mort. Et ce soi-disant savant et bien-aimé d'Allah, des fois il lui disait, j'ai vu ton père, c'est-à-dire le père du boucher qui était mort, j'ai vu ton père dans le rêve. Et il est content de toi, il est ceci. L'âme. Et il disait, celui qui m'a raconté, il disait juste pour que le boucher lui donne une livre ou bien un kilo de viande. Non. Comme ça, il est content que celui-là, il a vu son père, donc son père est content de lui, donc là, il est ravi de lui. Donc, tout ça pour juste pour prendre un kilo de merguez ou bien une livre de viande, subhanallah l'adhim. Il a dit, « Faha'oula illadina yidda'ouna »« Ya'afoun »« Illadina yidda'ouna anfusahum ahyanan asyada wa ahyanan awliya law ta'ammala l'insanu mahum alihi » Il a dit ces gens-là qui des fois se présentent comme quoi ce sont des asyad. Vous savez c'est quoi l'asyad? Le pluriel de sayyid. Sayyid, asyad. Asyad, ça se trouve beaucoup dans la religion des rawafid, des chiites. Ils disent X, c'est un sayyid. C'est un sayyid. C'est comme par exemple ils disent Sistani, Sistani c'est un Seyyid. Nasrallat, Hassan Nasrallat du Liban, c'est un Seyyid. Vous savez, c'est un grade. Chez les Rawafid, ils ont le grade de Seyyid. Quand quelqu'un arrive à devenir Seyyid, ça veut dire khlas. Il est ma'soum, il ne fait plus de fautes, il est infaillible. Il a le droit de prendre le khumus de la zakat. Il prend le 1 cinquième de la zakat. Subhanallah l'adhim. La zakat, chez les Rawafid, chez les chiites, chez les chiens, elle ne va pas à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a désigné. Le pauvre, le voyageur, le miskin, celui l'endetté. Non, elle va seulement et seulement à qui? Au Asyad, au Sayyid. Comme Hassan Nasrallah, Sistani, Korani, la clique, les Asyad. Vous savez combien qu'ils prennent? La zakat chez nous, c'est combien? 2,5%. Allah l'a dit. 100 millions, tu donnes seulement 2 millions et demi. 100 millions, tu donnes seulement 2 millions et demi. Eux, les Rawafid, combien qu'ils prennent? Ils prennent un cinquième. Un cinquième, subhanallah l'adhim. Si tu as 100 millions, je prends 20 millions. Si tu as 100 millions, tu dois me donner 20 millions. Imaginez les Rawafid adou, l'Asyad adou, Zahamou, comme Hassan Nasrallah et les autres. Combien qu'ils ont d'argent dans la banque? Des milliards. Imaginez, chaque personne qui a 100 millions, il te donne 20 millions. Et combien qu'il y a des milliers de gens qui vont te donner? Et ils ne donnent seulement qu'à toi. C'est toi le Sayyid. On ne donne pas aux pauvres, ni aux voyageurs, ni à l'endetté. Ils ont des milliards dans les banques. Comment qu'ils vont faire demain quand ils vont rencontrer Allah Azza wa Jalla? À part ce qu'ils ont, comme shirk dans la aqida, comme grand péché dans la zina. Ils font la zina, ils disent c'est halal. À part cela, à part ce qu'ils font, yani comme déviance et égarement aux gens, comment qu'ils vont faire pour l'argent qu'ils ont pris, l'argent des pauvres qu'ils ont pris. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Il a dit, le cheikh Ahmad a dit, ceux-là, ceux qui se prétendent qu'ils sont des assyed, ou bien qui sont des élus, des bien-aimés d'Allah, il a dit, لو تأمل الإنسان ما هم عليه لوجدهم أبعد ما يكونون عن ولوسه. Il a dit, si seulement tu méditais sur eux et sur ce qu'ils font et leur comportement et leurs actions, tu aurais vite compris que ce ne sont ni des élus d'Allah ni des assiettes. Mais les autres, ceux qui les suivent, sont aveuglés. Ils ne restent pas comme ça, yani, 5 minutes seuls en train de méditer. Non. Il a dit une chose, c'est terminé, je ne dois pas comprendre, je ne veux pas comprendre. Non, ils les suivent aveuglément. Le cheikh dit, « فَنَصِيحَتِ لِإِخْوَانِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ لَا يَخْتَرُوا بِمُدَّعِ الْوِلَايَةِ حَتَّى يَقِيسُوا حَالَهُمْ بِمَا جَاءَ فِي النُّصُوصِ فِي أَوْصَافِ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ » Il a dit, « Je donne un conseil à mes frères les musulmans qui ne soient pas dupés et bernés et trompés par ceux qui prétendent qui sont des élus d'Allah Azzawajal, jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce qu'ils méditent sur leurs actions et leurs comportements pour voir si ça concorde avec les textes, du Coran et de la Sunna. Si ça concorde avec les textes qu'il y a dans le Coran et de la Sunna qui ont bien décrit qui sont les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, ça me rappelle une phrase très très connu de l'imam Shafi'i rahimahullah. Certains disent que c'est pas Shafi'i qui l'a dit, mais le muhim c'est la phrase elle-même. On dit que c'est Shafi'i rahimahullah qui l'a dit. C'est quoi cette phrase? Elle se trouve beaucoup dans le Majmou' al-Fatawa de Cheikh d'Islam. Il la cite beaucoup, dans beaucoup de passages. Il faut bien apprendre cette phrase. Que dit cette phrase? C'est une phrase que normalement on devrait écrire avec de l'or, pas avec de l'encre. L'or, on va le fondre et on va écrire cette phrase avec de l'or. Que dit cette phrase? Elle dit, attendez, comment la traduire? Ne dis jamais que telle ou telle personne est un élu d'Allah, un bien-aimé d'Allah, même si tu le vois voler dans l'air ou marcher sur de l'eau jusqu'à ce que tu médites yani, sur ses, yani, son comportement et ses actions, est-ce qu'elles sont concordes avec le Coran et la Sunna ou pas? Non. Donc cette phrase, qu'est-ce qu'elle dit? Si jamais tu vois quelqu'un voler dans l'air, ou bien marcher sur de l'eau, attention, et attention que tu dises, celui-là, ça doit être un wali, un élu d'Allah. Attention que tu dises, jusqu'à ce que tu vois, yani, c'est quoi le comportement de cette personne? C'est quoi ses actions? Sa prière, son siyam, sa peur d'Allah, sa crainte d'Allah. Comment qu'il est avec les femmes? Comment qu'il est avec... qu'est-ce qu'il voit avec ses yeux? Qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce qu'il dit quand il parle? Ah, son temps libre, où est-ce qu'il le passe? Si c'est concorde avec le Coran et la Sunna, tu vas dire « Naam, celui-là c'est un wali d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Mais à quoi ça sert de voir quelqu'un voler? Ensuite, quand il descend, tu vas le voir, par exemple, avec la cigarette. Tu vas le voir peut-être fumer de la drogue. Tu vas le voir si une femme passe devant lui, il va lui faire un clin d'œil. Est-ce que celui-là, c'est un wali? C'est pas un wali. Donc, ne te hâte pas de dire X ou Y, c'est un wali, jusqu'à ce que tu vois est-ce que ce qu'il fait, ça concorde avec le Coran et la Sunna ou pas. Une seconde. Ensuite, le cheikh a cité, Naam, trois versets. Il a dit, voilà, je vais citer trois versets, Inch'Allah, qui montrent est-ce que vraiment la personne est un élu ou ne l'est pas, d'après ce qu'il y a dans les versets, est-ce qu'il y a concordance ou bien il y a discordance. Le premier verset, Allah Ta'ala dit dans le Coran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتُّنْ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ يَخْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Ali Imran 31, Allah Ta'ala dit dans le Coran, dis à Muhammad, dis aux gens, si vous aimez vraiment Allah, Alors suivez-moi, Allah vous aimera. Je répète, dis, ya Mohammed, dis aux gens, si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera. Le Cheikh Rahimallah, Cheikh Ben Othoumine dit, wa hadhihi al-ayatu tusamma ayat al-mihna et al-imtihan. Le Cheikh Rahimallah dit, et ce verset s'appelle, il est simple, on l'appelle le verset de l'épreuve, le verset de l'examen. Qu'est-ce que ça veut dire ça? حيث ادعى قوم محبة الله تعالى فأنزل الله هذه الآية. Il a dit que certains gens ont prétendu, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils aimaient Allah subhanahu wa ta'ala. Ah bon? Vous m'aimez? Allah ta'ala dit, vous m'aimez. Alors il a dit, dites, ou bien il a dit à Mohammed, dis-leur, si vraiment vous aimez Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera. Ça veut dire, toute personne qui prétend qu'elle aime Allah subhanahu wa ta'ala, alors, pour la tester, hein, qu'est-ce qu'on va faire? Il lui faire un examen. On va voir quel est son suivi du messager, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'elle a un suivi? Est-ce que son suivi du messager, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, est grand, fort, ou n'a rien? Ça veut dire, ce verset veut dire aussi, toute personne qui dit, moi j'aime Allah ta'ala, et ne suit pas le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est une menteuse. Même si elle n'arrête pas de dire jour et nuit, j'aime Allah, j'aime Allah, j'aime Allah, elle écrit partout dans les pancartes, femme, partout, j'aime Allah, j'aime Allah, j'aime Allah, on lui dit arrête, menteur, tu es un menteur. Pourquoi? Parce que ce sont seulement des paroles que tu dis. Tout le monde peut dire comme ça. Le perroquet juif apprend cette phrase, il va pas s'arrêter de la dire. Et alors, c'est quoi la preuve? La preuve, c'est, on va voir, est-ce que tu suis le messager à SSM, tu ne le suis pas. Comment? Tu dis, je suis, par exemple, tu dis, j'aime Allah subhanahu wa ta'ala, et tu peux laisser ta barbe pousser. Je dis, tu peux, tu n'as pas de contrainte. Et tu la laisses pas. Tu dis, j'aime Allah subhanahu wa ta'ala, et tu ne suis pas le messager possible. Il y a contradiction. Et nous, on va se baser sur quoi? Sur ce que tu dis ou bien ce que tu fais. On va se baser sur ce que tu fais. C'est Allah Ta'ala qui nous a dit ça. Ce n'est pas nous qui avons choisi cette alternative. Alors, Allah Ta'ala a descendu ce verset. Cheikh Ibn Uthaymeen dit, Famani da'a, quiconque prétend, mahabbat Allah Ta'ala, quiconque prétend l'amour d'Allah Azzawajal, nazarna fi amali. On va voir ses actions. On va voir directement ses actions. On ne va pas entendre ce qu'il dit, ça ne suffit pas. On va voir ses actions. Quiconque prétend qu'il aime Allah Azzawajal, on va d'abord voir ses actions. Si ses actions sont concordes avec le suivi du messager, il suit le prophète, alors c'est une personne qui n'a pas menti, une personne véridique. Sinon, c'est une menteuse. Comme ça dit Cheikh Rahimallah. Sinon, cette personne, c'est une menteuse. J'ajouterai un verset que Cheikh Rahimahullah n'a pas cité. J'ajouterai un verset que Cheikh Rahimahullah n'a pas versé. Elle n'a pas cité. Allah Ta'ala a cité dans le Coran un verset où il a dit Wa qalat il yahoudu wa nasara nahnu abna'u Allahi wa ahibba'u. Paul, fadima yu'adhibukum bidunubi. Allah Ta'ala dit dans le Coran Ma'ida, sort 18. Sort Ma'ida, verset 18. Il a dit les juifs et les chrétiens ont dit, écoutez bien les juifs et les chrétiens ce qu'ils ont dit. Les juifs et les chrétiens ont dit, nous sommes les fils d'Allah. Hein, les chrétiens, comme ça ils disent, Allah c'est notre Père. Nous sommes les fils d'Allah et ses préférés. Qu'a répondu Allah Ta'ala? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit, dis à Muhammad, dis-leur, pourquoi donc vous châtie-t-il? Pourquoi donc vous châtie-t-il pour vos péchés? Puisque vous dites que vous êtes les préférés de l'Azur, vous êtes ses fils. Est-ce qu'un père châtie son fils? Vous m'avez compris? Est-ce qu'un père châtie son fils? Au contraire, un père aime son fils et il l'amadoue, il lui achète ce qu'il veut, mais il ne va pas le châtier. Donc, c'est une preuve que si Allah Azzawajal vous aimait, et si Allah Ta'ala avait envers vous de l'amour, l'amour que vous prétendez, il ne vous aurait pas châtié. Donc le châtiment, les châtiments qu'il vous donne, c'est quoi? C'est une preuve flagrante, non, une preuve irrécusable, on ne peut pas récuser, que Allah Azzawajal ne vous aime pas. Car s'il vous aimait, il vous aurait pas châtié. Non. Ensuite, Cheikh a cité le deuxième verset, il a dit, on voit ici le deuxième verset qui parle aussi de quoi? De yani, la preuve, yani, la description de celui que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Le deuxième verset, Surat al-Ma'ida, Ya ayyuhalladhina amanu, man yartadda minkum an dinih, fa sawfa ya'ti lahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunah, adillatin 'ala al-mu'minin, a'izzatin 'ala al-kafirin, yujahiduna fi sabilillah. Oh les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, alors Allah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime. Ce peuple, comment qu'il est? Il a dit modeste envers les croyants, fier et puissant envers les mécréants, qui lutte dans le sentier d'Allah. Et ne craint pas le blâme, ne craint le blâme d'aucun blâmeur. Le Coran a dit فَوَصَفَهُمْ بِأَوْصَافٍ هِيَ عَلَامَةُ الْمَحَبَّةُ وَصَفَهُمْ. Il a dit, Allah Azza wa Jal a décrit ces gens-là de certains attributs qui sont quoi? Qui sont la preuve de l'amour d'Allah Azza wa Jal. Ces gens-là, c'est quoi leur premier attribut? Il a décrit de quoi? Premier attribut. Il a dit si jamais yani les gens apostasient, donc je vais faire venir un autre peuple. C'est quoi les attributs de ce peuple? Premier attribut, il a dit c'est à dire ils sont modestes envers les croyants. Modeste, bien sûr, dans le sens de, ils aiment aussi les croyants. Non, ils ne sont pas contre eux. Ils ne leur font pas du tort. Non, ils ne leur font pas du mal. Ça, c'est le premier attribut. Deuxième attribut. A'izzatun ala al-kafirin. Fier et puissant envers les mécréants. C'est pour ça que c'est dommage. C'est malheureux aussi. Des fois, tu trouves certains musulmans, quand ils sont avec des musulmans, ils sont durs. Contre eux, violent avec eux, violent contre eux. Quand ils sont avec les mécréants, c'est le contraire. Ils sont doux, ils sont faibles, non, ils sont complexés. Et devant son frère, il est vraiment violent. Subhanallah, c'est tout à fait le contraire. Non. Troisième attribut. Il a dit, ils combattent dans le sentier de Allah subhanahu wa ta'ala. Ils font des efforts. Non, pour tuer les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour tuer ceux qui les tuent, tuer les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute. Non. Et le wasf al-rabi', le quatrième attribut, qu'est-ce qu'ils ont? Annahum la yakhafuna fi Allah lawmata la'im. Ils ne craignent pas l'âme des blâmeurs. Quand ils font une chose pour Allah ta'ala, ils la font avec sincérité. Ils ne disent pas, oh, telle ou telle personne m'a blâmé, telle ou telle personne a dit que ce que j'ai fait c'était faux, ou alors j'aurais pas dû faire cette chose. Non, ils ne craignent pas le blâme des blâmeurs, subhanallah. Et enfin, troisième verset, c'est le verset où Allah Ta'ala a dit, Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun, alladhina amanu wa kanu yattaqun. Le troisième verset, Surat Yunus. 62-63, Allah Ta'ala a dit, en vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés. À l'abri de toute crainte dans les choses qu'ils vont laisser quand ils vont mourir. Leurs enfants, leurs familles, etc. C'est Allah Ta'ala qui va s'occuper d'eux. Et ils ne seront point affligés par rapport à quoi? À ce qu'ils vont rencontrer demain, le jour de la résurrection. Non. Ensuite, il a dit, ce sont qui il leur a donné deux attributs. Il a dit, ce sont ceux qui croient en Allah Azzawajal et qui craignent Allah Azzawajal. تبين الله تعالى أن أولياء الله تعالى هم الذين اتصفوا بهذين الوصفين. الله تعالى montre que les élus de Allah تعالى ce sont ceux qui ont deux attributs. Premier attribut, l'iman ou التقوى. Premier attribut, l'iman, la foi. Nam, la foi. L'iman se trouve où? Il se trouve dans le cœur. Et deuxième attribut, التقوى. La crainte d'Allah Azza wa Jal. Et la crainte, elle se trouve où? Elle se trouve dans les membres. Naam. Taqwa. C'est vrai que la base, elle se trouve dans le cœur. Mais ça ne suffit pas qu'elle soit dans le cœur. Il faut qu'elle soit extériorisée. Quand quelqu'un dit, j'ai peur du lion. Ensuite, je lui dis, il y a un lion dehors devant la porte. Et il sort, il me dit, je sors. Ça veut dire que quand il a dit « j'ai peur du lion », c'est un menteur. On lui dit « il n'y a pas plus grand menteur que toi ». Pourquoi ? Tu as dit « j'ai peur du lion » et tu es sorti. Donc tu es un grand menteur ou alors tu es un fou. Non. Car celui qui a peur du lion ne doit pas sortir. Au contraire, il appelle les pompiers. Il leur dit « il y a un lion dehors devant ma porte. Venez m'aider ». Comprenez ? La même chose, celui qui dit « j'ai peur d'Allah subhanahu wa ta'ala », il faut que ça s'extériorise dans ses membres. Celui qui a peur d'Allah ne boit pas de l'alcool, ne fait pas de la zina, ne joue pas à la loterie, ne dit pas les choses que Allah Ta'ala déteste, ne voit pas avec ses yeux les choses que Allah Ta'ala interdit, n'écoute pas avec ses oreilles les choses que Allah Ta'ala interdit d'écouter. Non, ne fait pas le haram. Et comme ça. Sinon, il dit seulement avec sa bouche, je crains Allah, j'ai peur de lui. Et puis ces choses-là, on lui dit, tu n'es qu'un menteur. ثم إن الشيخ رحمه الله بين أن الأمر صار على العكس عند أكثر من داعي العلم. Ensuite, le Cheikh a montré que malheureusement de nos jours, c'est-à-dire de ces jours, lui, ces jours, au temps de Mohammed ibn Abdul Wahhab, رحمه الله, il a dit, c'est vraiment devenu l'opposé. Car au temps de Mohammed ibn Abdul Wahhab, رحمه الله, quand il est venu, lui, il a grandi, il a ouvert ses yeux, il a commencé à comprendre, il a trouvé que la société, yani, saoudienne à l'époque, c'était vraiment yani, le contraire de ce que a dit Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. C'était partout le shirk, c'était partout la bid'a, c'était partout la désobéissance. Non. Et le pire, c'est que maintenant les gens, c'est-à-dire on s'entend, les gens ont commencé à dire que, au contraire, le bien-aimé, l'élu, c'est celui qui ne suit pas le messager d'Allah. C'est celui qui suit la déviance. C'est celui qui suit le shaitan. C'est celui, subhanallah l'adim. C'est pour ça qu'il a dit dans la dua, il a dit, nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Allah al-musta'an, de comment les choses se sont renversées. Les choses se sont renversées. Maintenant, c'est le shaitan qui a le dessus. C'est celui qui suit le shaitan qui est l'élu d'Allah ta'ala. Et c'est celui qui passe la nuit à prier, et les jours à jeûner, celui-là, c'est un élu du shaitan, pas d'Allah. Il a dit, subhanallah, Allah musta'an, comment les choses peuvent se renverser. Ensuite, il a dit, Cheikh Ibn Uthman, il a dit, et yani, nous avons cité, il a dit, dans ce qui montre bien, yani, qui est l'élu d'Allah, et qui est l'élu du shaitan, il a dit, il faut lire le livre de Cheikh Islam qui s'appelle Al-Furqan, le discernement. Al-Furqan, Beyna Awliya Il-Rahman wa Awliya Al-Shaytan. Il y a un livre qui s'appelle Le discernement entre les élus d'Allah Azzawajal et les élus de Satan. Ce livre, bien sûr, c'est dommage que Cheikh Islam, quand il l'a écrit, même si Cheikh Islam, vous connaissez, il écrit. Il dit seulement ce qu'il a dans son cœur. Il ne cherche pas les mots difficiles, les mots complexes. Non, il écrit seulement ce qui passe par la tête, il l'écrit. Non. Mais malgré cela, quand il a écrit ce livre, il l'a écrit seulement, si je puis dire, pour les savants. C'est-à-dire quelqu'un comme nous, s'il va le lire, il ne va pas comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Non. Tellement, tellement le niveau est haut, bidna subhanahu wa ta'ala. Al-Muhim. Le cheikh rahimahullah, maintenant, cheikh rahimahullah, va citer quelques passages de Afouna. Je me suis trompé. Je parlais, Naam, lui, il parlait du livre, celui-là, dont il vient de citer le discernement entre les élus d'Allah et les élus shaitan. Et moi, quand je parlais du haut niveau, etc., je parlais de Iqtida Sirat Mustaqim, fi Mukhalafat al-Jahim. Je parlais d'un autre livre qui s'appelle Iqtida Sirat Mustaqim, Mukhalafat al-Jahim. Celui-là, c'est un livre vraiment, yani, qui demande vraiment un grand, grand niveau pour le comprendre. Pas celui-là. Celui-là, je l'ai lu, c'est un livre, Inch'Allah ta'ala, simple, et que tout le monde peut lire, bi'idhnillah ta'ala. Le Cheikh Rahimallah, ensuite, il a cité aussi, yani, il a résumé un peu de ce qu'il y a dans ce livre, la différence entre les gens, yani, les bien-aimés d'Allah et les élus du shaitan. Il a dit, وقد بين سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء. شيخ الإسلام شيخ ابن تيمية رحمه الله دي كل الله سبحانه وتعالى موخي دونك دون لا سنة كل الله تعالى أبي دي زيلو وكل ساتن أوسي أبي دي زيلو. نعم الله تعالى دي زيلو ساتن أوسي أبي دي زيلو. ففرق بين أولياء الرحمن وإلى الشيطان. إلى دي الله تعالى بيان مونتخي a bien montré qu'il y avait une différence entre ses élus, lui, et les élus de Satan. Il a cité le verset. Il a cité le verset. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa yattaqun. En vérité, les élus d'Allah, ne seront point affligés quand ils vont rencontrer l'Azazel. Ils sont à l'abri de toute ce qu'on a cité tout à l'heure. Ils sont à l'abri de toute crainte. Ils seront point affligés. Le jour de la résurrection, ce sont ceux qui croient en Allah Ta'ala et qui le craignent. Naam. Donc il a cité ce verset. Il a dit, et il a cité aussi Awliya al-Shaytan. Il a cité aussi les élus du Shaytan. Dans le verset où Allah Ta'ala a dit, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إنما سلطانه على الذين يتولونه الذين هم به مشركون. سورة النحل الآيات لي فيرسي 98 99 100 لو فيرسي لي فيرسي 10 لوسك تولي لو كوران لوسك تولي لو كوران دوموند لا بروتيسيون دالله كونتر لو ديابل باني. إن لا أوكان بوفوار لو ديابل لو شيطان إن لا أوكان بوفوار que sur ceux qui le prennent pour allié et ceux qui le prennent pour associé. Donc Allah Ta'ala a bien montré que Shaitan avait des gens qui le suivent et des élus. Mais a bien montré que, Alhamdulillah, Shaitan n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient en Allah et placent leur confiance en leur Seigneur. Mais par contre, le diable a du pouvoir sur ceux qui le prennent pour allié. Ceux qui prennent Shaitan pour allié. Ceux-là, Allah Ta'ala a donné à Shaitan pour qu'il puisse avoir le pouvoir sur ceux-là. Et ceux qui le prennent pour associé. Non. Ensuite, Cheikh Rahimah a dit, فَيَجِبْ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ هَوْلَى وَهُلَى. Il a dit, c'est obligatoire de faire la différence entre ceux-là et ceux-là, c'est-à-dire les élus d'Allah et les élus du shaitan, comme farraq Allah wa rasuluhu baynahuma, exactement comme Allah azza wa jalla son prophète, en quoi on fait la différence entre eux. Fa'awliya'ullahum al-mu'minun al-muttaqun, il a dit, les élus d'Allah, ce sont les croyants, ce sont les gens pieux. Wa hum alladhina amanu bihi wa walawa, ce sont ceux qui ont cru en Allah azza wa jalla. Naam. Fa'ahabbu ma yuhib, ils ont aimé ce que Allah Ta'ala aime. Pour que tu sois, je dis, pour que tu sois un élu d'Allah, qu'est-ce qu'il faut? Il faut croire en lui et le craindre. Croire en lui et le craindre, ça se traduit comment? Ça se traduit que tu dois aimer ce que Allah Ta'ala aime. Wa abghadhu man yubghid, tu dois détester, haïr ce qu'Allah Ta'ala haït et déteste, que ce soit des choses ou que ce soit des personnes. Si Allah Ta'ala déteste une chose, tu dois détester cette chose. Si Allah Ta'ala déteste une personne, tu dois détester aussi cette personne. C'est impossible que Allah Ta'ala déteste une chose et que toi tu aimes cette chose. Allah Ta'ala déteste par exemple l'alcool, toi tu dis j'aime l'alcool. Allah Ta'ala déteste par exemple ceux qui, par exemple, font le haram. Et toi tu aimes les gens qui font le haram. Ça ne marche pas, c'est pas possible. Allah Ta'ala déteste une personne. Il déteste par exemple Abu Djal. Toi tu aimes Abu Djal. Allah Ta'ala déteste par exemple ceux qui nient les attributs. Et toi tu aimes une personne qui nie les attributs. C'est pas possible. Donc, tu dois aimer ce qu'il aime, détester ce qu'il déteste. وَرَضُوا بِمَا يَرْضَى. Agréer ce qu'il agrée lui, Azza wa Jal. وَسَخِطُوا بِمَا يَسْخَطُ. Naam. Tu dois aussi haïr, naam, et te désavouer de ce que Allah Ta'ala haït et se désavoue. وَأَمَرُوا مَا يَأْمَرُ. Naam. Tu dois aussi ordonner ce que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne. وَنَهُ عَمَّا نَهَا. Tu dois aussi interdire ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. وَأَعْطُوا مَنْ يُحِبَّ أَنْ يُعْطَى. Quand tu donnes, tu dois donner à qui Allah Azza wa Jal aime que tu donnes. C'est pas tu donnes à qui tu veux. C'est un peu comme la zakat. La zakat, est-ce que tu es libre de la donner à qui tu veux? Tu dis j'ai de la zakat, je vais la donner à mon oncle. J'ai de la zakat, je vais la donner à qui? À mon cousin, à ma mère. Est-ce que tu es libre comme ça? Ou bien il faut des conditions pour que tu puisses la donner. Il faut des conditions, non, il faut des conditions. C'est possible de la donner à sa mère et à son oncle, à son cousin. Mais il y a des conditions. Non, tu ne la donnes pas à qui tu veux toi. Et tu dois aussi, non, ne pas donner à qui? Aux gens que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de donner. فَلَا يَكُونُ وَلِيٍّ لِلَّهِ إِلَّا مَنْ آمَنَ بِيَا وَبِمَا جَاءَ بِيَا. Tu ne seras jamais un élu d'Allah jusqu'à ce que tu crois en lui et en ce qu'il a légiféré. وَتَبَعَهُ بَاطِنًا وَظَهِرًا. Tu ne seras jamais un élu jusqu'à ce que tu suives Allah subhanahu wa ta'ala. Tu le suives. بَاطِنًا وَظَهِرًا. C'est-à-dire ce qu'il y a dans l'apparence et ce qu'il y a aussi dans le caché. Tu ne le suis pas seulement dans l'apparence, mais aussi avec ce qu'il y a dans le cœur. Sinon, on est des hypocrites. Je prie, mais dans mon cœur, je dis, il n'y a pas la prière. Je jeûne, dans mon cœur, je dis, il n'y a pas de jeûne. À quoi ça sert? Je suis un hypocrite. Il faut qu'il y ait concordance entre l'apparent et le caché. L'apparent et le caché. Les deux doivent concorder à 100%. Ils doivent concorder à 100% pour que je sois un élu d'Allah subhanahu wa ta'ala. ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبع الرسول فليس من أولياء الله. Et quiconque prétend l'amour d'Allah Azza wa Jal et que c'est un bien-aimé alors qu'il ne suit pas le messager alayhi sallam, ce n'est pas un élu. بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان. Bien au contraire, quiconque il a dit que la discorde à Allah Azza wa Jal, ou bien à son messager, il a dit, celui-là c'est un ennemi d'Allah. Et c'est un élu du shaitan. Un élu du shaitan, pas un élu d'Allah Azza wa Jal. Non. وليس من شرطه ولي الله أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطئ. Une chose très importante ici, le cheikh dit, ce n'est pas parmi les conditions, ce n'est pas, ça ne rentre pas dans les conditions de l'élu d'Allah et du bien-aimé, de quoi? D'être un infaillible et de ne jamais se tromper et de ne jamais faire de faute. Non. Certains vont croire, pour que je devienne un élu d'Allah, il faut que je devienne infaillible. Jamais je ne me trompe. Jamais je ne vois de haram. Jamais je ne dis un mot mal déplacé. Jamais je pense à une chose qui est interdite. Il a dit, c'est pas ça. Non. Bel yajouz an yakhfa alayhi ba'd ilm al-sharia wa yajouz an yajtabi alayhi ba'd umur din. Il a dit, bien au contraire, c'est fort possible que beaucoup de choses de la charia, ils ne connaissent pas. Non. C'est fort possible que y a certaines choses de la charia, ils ne connaissent pas. Non. Il est même possible que il y ait des ambiguïtés dans certaines choses. Dans des ambiguïtés, des choses qui ne sont pas très claires pour lui dans certaines choses de la charia. ولهذا لما كان ولي الله يجوز أن يغلط لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله من هو ولي الله لئلا يكون نبيا سبحان الله العظيم il a dit c'est pour cela que puisque l'élu d'Allah vient de dire que il peut se tromper c'est pour cela que ce n'est pas il n'y a pas dans notre sharia il n'y a pas dans notre din que c'est obligé de suivre mot à mot un élu d'Allah dans ses paroles et dans ce qu'il dit. Il a dit car ce n'est pas un prophète. C'est seulement le prophète et les messagers qu'on doit suivre mot à mot et exécuter à la lettre ce qu'il nous ordonne. Quant au bien-aimé, l'élu, le wali, non. Pourquoi? Car quand il parle, il est possible qu'il se trompe. Et quand il dit, il est possible que il est dit quelque chose qui soit fausse, malgré que c'est un élu. Non, car il est infaillible. Donc, je ne suis que le messager d'Allah Azzawajal. Quant à l'élu, ce qu'il dit, je vais voir ce qu'il a dit. Est-ce que ça concorde avec la charia ou ça ne concorde pas? On peut être un élu d'Allah et se tromper. Non, en expliquant une chose. Et se tromper en faisant une chose. Même en étant un élu d'Allah et un bien-aimé. Pourquoi? Car on n'est pas des infaillibles. Il y a seulement les messagers qui sont des infaillibles dans la charia. Non, pas les autres. بل يجب أن يعرض ذلك جميعه على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فإن وافقه قبل وإن خالفه لم يقبل. Bien au contraire, tout ce que fait un élu d'Allah, il doit être quoi? Comparé avec la sunna du messager عليه الصلاة والسلام. Si ça concorde avec la sunna, on accepte ce qu'a fait le wali d'Allah et ce qu'il a dit. Si ça ne concorde pas, on rejette. On rejette ce qu'a fait ou ce qu'a dit le wali d'Allah. Et on garde la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Il a dit, c'est pour ça que les gens, envers les élus d'Allah, les bien-aimés, se divisent en trois sortes, trois groupes. Non. Il y a un groupe qui quoi? Qui ne reconnaît pas du tout ce que dit le bien-aimé et le wali. Il te dit, il n'y a pas de wali. Il n'y a pas, c'est pas possible. C'est pas vrai. Aucune personne ne peut être wali d'Allah. Peut-être sauf les messagers. Ça, c'est la première sorte de gens. Ces gens-là se trompent. Les wali, il y en a. Allah Ta'ala les a cités dans le Coran. Il a dit, ce sont ceux qui croient en Allah Ta'ala et le craignent. Tout cela, ce sont des wali. Deuxième sorte de gens, ceux qui disent tous les gens sont des wali. Tous les gens, n'importe qui. Pourvu qu'ils lisent le Coran, c'est un wali. On lui dit non. Non, ça ne suffit pas. Non, c'est pas tout ce qu'il dit, il lit le Coran, là, il jeûne beaucoup, là ça veut dire que c'est un wali, ou là il a une longue barbe, c'est un wali. Non, ça ne suffit pas. On doit voir yani, son comportement, est-ce qu'il concorde avec la sunna ou pas. S'il ne concorde pas, c'est pas un wali, même si du matin au soir il n'arrête pas de crier comme quoi je suis un wali d'Allah. Non. Et la troisième sorte, il a dit, la troisième sorte, ce sont un sunna ou jama'a qui disent quoi? Qui disent, il y a le wali, mais pour qu'il soit wali, on doit voir quoi? On doit voir s'il y a concordance avec son comportement et le Coran et la sunna. S'il y a concordance, d'accord, c'est un wali. S'il n'y a pas concordance, c'est pas un wali. Nam. Ensuite, ces wali, nam, que Allah Ta'ala a cité dans le Coran, les bien-aimés, Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit d'eux? Il a dit, « Ala inna awliya Allahi la khawfun alihim wa la mihzanun, alladina amanu, ceux qui ont cru, wa kanu ittaqun, et qui craignent Allah Ta'ala, il a dit, « Lahumul bushra fil hayati dunya. » Ils ont la bonne nouvelle dans ce bas monde. Ils ont la bonne nouvelle dans ce bas monde. La bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, C'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a lu ce verset. Il a dit, la bonne nouvelle, c'est le songe prémonitoire. C'est-à-dire, quand il voit quelque chose dans le songe, ça se réalise bi'idhnillahi ta'ala. Donc, Allah ta'ala a voulu montrer quoi ? Il a voulu montrer un des signes des élus d'Allah. Un des signes. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith authentique, il a dit que le fait de voir un songe véridique, il a dit ça fait partie de quoi ? De 36 ou bien 46 yani rameaux ou bien branches de quoi ? De la prophétie. Pour être un prophète, il y a à peu près 46 branches, disons 46 conditions pour devenir prophète. C'est pas nous qui choisissons. Et pour que Allah Ta'ala fasse d'une personne qu'elle devienne un messager, il faut qu'elle ait 46 yani conditions. Parmi ces conditions, quoi ? Quand elle voit un songe, il est véridique. Le shaitan ne peut pas rentrer dans son songe et lui montrer des songes qui ne sont pas vrais. C'est pour ça que jamais, jamais un messager n'a ce qu'on appelle un rêve, comment ça s'appelle, Hadak ? Érotique. Un rêve érotique. Jamais un messager n'a un rêve érotique où il se voit avec une femme en train de faire le haram. Pourquoi ? Car le shaitan, c'est le shaitan qui donne le rêve érotique. Le rêve érotique, il vient de qui ? Du shaitan. Le prophète n'a pas de shaitan qui vient lui montrer ces choses-là. Donc, le rêve véridique, c'est un des délits que la personne, masha'Allah, elle est devenue un bien-aimé d'Allah ou bien elle est dans le chemin. Elle commence et elle va finir par devenir un bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Allah ta'ala a montré ce signe quand il a dit dans le Coran, ils ont la bonne nouvelle dans ce bas monde. La bonne nouvelle, le prophète Hassan a dit, ru'ya saliha, il a dit le rêve véridique. Yarahu rajul salih. La personne bienfaisante, la personne pieuse, le voit. Ou bien, il a dit, yura lahu. Ou bien, une autre personne le lui voit. Donc, c'est pas tout le temps nous, les bien-aimés, qui voit quoi le songe véridique. Des fois, la personne, elle est dans un état, par exemple, de janaba. Cette nuit-là, elle ne peut pas voir un songe véridique. Mais une autre personne, mashallah, va lui dire, je t'ai vu dans un songe véridique en train de faire telle et telle chose, en train de prier, en train de à la Kaaba, etc., etc., et comme ça. Voilà, inshallah ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Si j'ai dit juste, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a aidé. Si je dis faux, ça vient de moi et de mon shaitan. Subhanallah wa bihamdik. Shadu illa illa illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. On va se rencontrer dans un quart d'heure, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, cher, je vous lis la première question, inshallah. Salam alaikum. Comment doit-on considérer une personne qui prononce les deux attestations de foi, qui prie, jeûne, etc., mais qui invoque les awliya, sachant que cette personne fait cette forme de shirk akbar par ignorance d'une part, et d'autre part, elle n'a trouvé personne pour lui expliquer que ceci faisait sortir de l'islam. Enfin, connaissez-vous Barakallahu fikoum. Naam, donc ça, je l'envoie au PV en whisper au cher. Tfada, cher. Naam, vous m'entendez, Inch'Allah. Sur Muslim, essaye de me rappeler, toi ou bien l'Akh Mohamed, la fois passée quand j'ai parlé d'un hadith. Parce que des fois, quand je termine le cours, ou là, le lendemain ou là, il m'arrive de penser à des choses, ensuite je me dis, est-ce que j'ai dit ça ou est-ce que j'ai dit ça? Et des fois je ne sais pas ce que j'ai dit exactement. El-Mohim, dans le cours passé, ou bien celui d'avant, j'avais cité un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi c'était permis pour quelqu'un qui était sous la contrainte de prier là où il travaillait. J'avais cité le hadith qu'avait cité Cheikh Al-Albani, rahimahullah, et sur lequel lui-même, rahimahullah, il s'était basé, hadith Fodala, et j'avais dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, en ce sens, c'est-à-dire, essaye au moins de ne pas rater deux prières. Je suis sûr d'avoir dit l'asr, d'avoir dit sobh. Mais qu'est-ce que j'ai dit comme deuxième prière? Est-ce que tu te rappelles? Est-ce que j'ai dit l'asr ou bien le maghrib? J'attends ta réponse si tu en as une. Si tu ne sais pas, dis je ne sais pas. Je ne me rappelle, moi je ne me rappelle pas. D'accord. Taïeb, maalich. Il m'a semblé, Allah Ta'ala alim, que j'ai dit le sobh pour le maghrib. Si j'ai dit comme ça, c'est que je voulais dire sobh pour l'asr. Je voulais dire sobh pour l'asr. On dit le maghrib, voilà le maghrib. Non, je me suis dit, j'ai peut-être dit le maghrib. En fait, le maghrib, khalas, le soleil s'est couché. Le hadith a dit, c'est de ne pas rater les deux prières. Il y en a l'une avant le lever du soleil, l'autre avant le coucher. Avant le coucher, il faut que ça soit l'asr. Ça y est. La deuxième des choses, tout à l'heure quand je suis rentré et qu'il y avait le Coran, pour moi, Allahu Alam, pour moi, yani, c'était un peu loin, j'entendais pas très bien. J'entends pas yani, comme ça, comme si ça venait directement chez moi. On est quelque chose de loin, Allahu Alam, si vous aussi vous entendiez comme moi ou là seulement moi. Pour répondre à la question, inshallah ta'ala, d'aujourd'hui, je dis, Alhamdulillah, je dis, quand une personne fait comme ça du shirk akbar, elle va tourner autour des tombes, etc. Qu'est-ce qu'on dit? On dit comme disent Ahl Sunnah ou Jama'a, c'est-à-dire, on dit cette personne a fait du shirk akbar. Est-ce que le shirk Akbar maintenant lui-même est tombé sur elle? On ne dit pas. On dit elle est tombée dans le shirk Akbar. Ou bien le shirk. Mais on ne va pas dire que le shirk est tombé sur elle jusqu'à ce que il y ait quoi? Il y ait les deux conditions qui sont quoi? La première, tahqiq shurut, il faut qu'il y ait remplissement des conditions. Et la deuxième, tifamawana. Et la deuxième, éloignement des empêchements. Et parmi les empêchements, il se peut que cette personne, comme a dit celui qui a posé la question, on ne lui a jamais corrigé cette faute, ni on lui a dit que c'était haram. Mieux encore, elle a étudié chez des gens qui lui ont dit que celui qui fait comme ça, c'est vraiment celui qui adore Allah Ta'ala. C'est celui qui se rapproche de lui. Car on ne peut pas adorer Allah directement. Pour l'adorer, il faut passer par un pieu. Nous, on n'est pas pieux comme ça, comme disait Abou Jahl et la clique. C'est pour ça qu'on dit elle a fait du shirk, elle a fait du grand shirk. Et Allah Ta'ala, Yom Al-Qiyamah, jugera si le shirk est tombé sur elle ou pas. Pour nous, elle a fait du shirk. Non, pas mal. Ah, question suivante, cher. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Dans le dars, il a été dit que les élus d'Allah ne se vendent pas et possèdent d'autres caractéristiques. Est-ce que Cheikh, le Mahdi, qui est certes un élu d'Allah, ne saura pas lui-même qu'il est le Mahdi? Et est-ce que ce sont les musulmans qui vont le reconnaître ou s'annoncera-t-il en tant que Mahdi? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Tfadal, Cheikh. Il viendra bi'idhnillahi ta'ala en tant que Mahdi. Et le fait qu'il vienne en tant que Mahdi, bien sûr, n'a rien à voir avec le fait de se vanter. Car ce n'est pas lui qui s'est choisi cette chose. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va le choisir et lui et le créer d'un père qui a le nom de Mohammed, et d'une mère qui a le nom de Amina. Ah, c'est pas Amina, quoi. Il a dit pour le nom de mon nom et le nom de son père. Non. Mais ce n'est pas lui qui a choisi. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le créa, le créera et le fera venir. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Non. Tafadhal. Non, ma question suivante. Bismillah wa salamu alaykoum. C'est à propos de la volonté juridique. Quelle différence il y a entre ce que Allah aime et ce qu'il agrée? Barakallahu fikoum. Tfadal cheikh. Aimer, nam, c'est l'amour, nam, le fait d'aimer, c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le fait d'agréer, comme le fait d'agréer. Et si vous le savez sûrement, que il y a des gens qui disent que yani, Allah Ta'ala, ni il aime, ni il peut être aimé. Et d'autres disent, Allah Ta'ala aime, naam, Allah Ta'ala afoun, est aimé, mais n'aime pas. Et les sunna al-jama'a disent, Allah subhanahu wa ta'ala aime et il est aimé. Et le plus important, ce n'est pas si Allah subhanahu wa ta'ala, si nous, yani, nous l'aimons. Mais le plus important, est-ce que lui, il nous aime? Comprenez? Aimer Allah subhanahu wa ta'ala, tout le monde peut le prétendre. Comme on a dit tout à l'heure dans le cours. Moi, j'aime Allah, je l'aime beaucoup, alors que je suis un menteur. Yani, toutes mes actions contredisent ce que je dis. Mais est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'aime? C'est ça le plus important. Dans le hadith authentique, si Allah subhanahu wa ta'ala aime quelqu'un, il appelle Jibril. Il lui dit, j'aime telle personne et annonce aux autres que je l'aime. Et Jibril va annoncer aux autres anges que Allah subhanahu wa ta'ala aime X des gens. Et ensuite, on va lui descendre l'amour, cet amour, dans le cœur des gens. Et tous les gens, les gens bien sûr qui sont dans le dîn et dans la piété, vont aimer cette personne. Il n'a rien fait pour qu'il soit aimé. C'est un cadeau d'Allah Azzawajal, parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a aimé. Non. Donc, être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala aime, c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Agréé, c'est aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, yarda, radiyallahu anhum wa radu anhu, c'est aussi un quoi? Un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et des fois, yani, il me semble, Allah subhanahu wa ta'ala alam, que agréer, c'est plus fort qu'aimer. Il me semble que agréer, naam, c'est plus fort qu'aimer, au point où la personne fait des choses, et Allah subhanahu wa ta'ala agrée même les choses que la personne fait. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Tfadla. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, ma question est la suivante. Aujourd'hui, nous avons reçu un message disant qu'il y a eu un événement majeur qui s'est produit au large de la mer Rouge, près du Yémen. Une île est sortie de la mer contenant un volcan et le lac Tibériel est arrivé à son assèchement et cela est synonyme du Dajjal. Cela est-il vrai? Et quels sont les hadiths concernant la venue du Dajjal? Voilà, barakallahu fikoum. Tfadal cheikh. Chez moi, il y avait des coupures. Je n'ai pas bien compris la question. Là où ça m'a tout aide, barakallahu. Naam, cheikh, il n'y a pas de problème, je répète, inshallah. Alors, ma question est la suivante. Aujourd'hui, nous avons reçu un message disant qu'il y a eu un événement majeur qui s'est produit au large de la mer Rouge, près du Yémen. Une île est sortie de la mer contenant un volcan et le lac Tibérial est arrivé à son assèchement. Et cela est synonyme du Dajjal. Cela est-il vrai? Et quels sont les hadiths concernant la venue du Dajjal? Voilà, barakallahu fikoum. Tfadal cheikh. Premièrement, ce qu'on reçoit comme message, il ne faut pas toujours y croire. Hein? Ce qu'on reçoit comme message, il ne faut pas toujours y croire. Deuxièmement, quant au Dajjal, il me semble que ça n'a rien à voir avec lui. Il me semble, Allah subhanahu wa ta'ala, que ça n'a rien à voir avec lui. Le Dajjal est enchaîné dans une île. Enchaîné dans une île. Hein? Et il attend le moment opportun où Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera l'ordre, où Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera l'ordre de déchaîner. Il va déchaîner les liens et sortir de l'île pour commencer à se répandre à travers le monde. Il ne rentrera pas cependant à Médine, comme vous savez, dans le hadith authentique à la Mecque. Al-Muhim. Cet antéchrist, le Messie Dajjal, il sortira du côté de Khorasan. Il passera par Isfahan. Et 70 000 juifs vont le suivre. Ces 70 000 juifs, beaucoup, beaucoup de chiites seront avec eux. Car il sortira de pas loin de chez eux et passera par l'une de leurs villes. Et comme vous savez que les chiites et les rawafides, que ce sont peut-être les plus grands mouchriquins qui puissent y avoir sur terre de nos jours. Non. Ça fait 2 ou 3 jours, j'ai entendu quelqu'un, un savant des chiites. Il a dit quoi? Il a dit, le chemin qui mène à Allah Ta'ala, il y en a deux. Un, directement, et l'autre, indirect. Tu passes par un bien-aimé. Tu passes par Sayyid. Il a dit, tu passes par un bien-aimé. Il a dit, celui qui passe directement, c'est le chemin le plus long. Comme ça, il a dit, c'est le chemin le plus long. Tu veux vite être exaucé, il faut passer par Ali, par Hussein, par les gens de la maison, Al-Bayt. Tu veux être exaucé. C'est pas bien si tu dis, Ya Allah, donne-moi telle chose. Non. Dis, Ya Ali, donne-moi telle chose. Ensuite, demande à Allah Ta'ala. Hasbunallah, ni'mal wakil. Hasbunallah, wa ni'mal wakil. Al-Muhim. Qu'est-ce que je voulais dire? Non. Donc, je ne pense pas que ça ait une relation avec le Messie Dajjal. Wallahu ta'ala alam. Tafadhal. Non, donc, question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Mon frère s'est endetté sur 25 ans pour l'achat d'une maison avec intérêt. Quand il a fait ce prêt, il ne savait pas que c'était un très grave péché. Et quand mon mari lui disait, il n'était pas convaincu. Aujourd'hui, il a un profond regret et quand il écoute les doros à ce sujet, il n'endort pas la nuit. Mais son épouse ne pense pas comme lui et aimerait garder ce bien. Il se demande ce qu'il doit faire pour être pardonné devant Allah Ta'ala. Tfadat cher. Il devrait, comme disent les savants, si c'est possible, de faire son maximum pour se débarrasser de se débarrasser en payant d'avance, comme ça on élimine ce qu'on devait payer comme intérêt. Wallahu alam, parce que quand quelqu'un va payer, comme on dit, cash, on va lui ôter beaucoup, beaucoup d'intérêt. Donc, maintenant, je lui dis autre chose pour lui enlever un peu les remords qu'il a. Je lui dis que tant que tu as fait cette chose dans l'ignorance, tu dois déjà, alhamdoulilah, avoir un certain apaisement, car tu ne l'as pas fait en sachant que c'est haram et je le fais. C'est ça ce qui est grave. Je te dis les intérêts, le fait de prendre un prêt avec des intérêts, ça rentre dans les grands péchés. Et tu vas quand même le faire. Ça, c'est vraiment grave. Mais celui qui ne savait pas, c'est au moment où il apprend que les péchés commencent à marcher. C'est quoi? S'il savait. Ou bien, s'il sait maintenant, il fait rien. Donc maintenant, s'il a de l'argent pour s'en débarrasser là, qu'il le fasse. S'il n'a pas, il n'a pas d'autre solution que de terminer cette chose. Il n'a pas d'autre solution. Maintenant, s'il peut abandonner, par exemple, il abandonne. S'il a cette foi, mais ça revient à lui. Ça revient à lui. S'il peut, inshallah ta'ala, comme disent les savants, s'il peut, il voit comment s'en débarrasser. Maintenant, je dis, si jamais une personne, après avoir acheté par exemple son appartement, elle a appris que c'était haram et qu'il ne fallait pas les intérêts, etc., on ne va pas lui dire que maintenant ton appartement est haram, tu dois t'en débarrasser. On va lui dire seulement, maintenant que tu sais, fais tawbah, ikhlas. Ça me dit, ça vient un peu comme l'usine, mais pas aussi grave. Voilà, peut-être qu'il savait un peu, mais il connaissait pas peut-être les textes. Il connaissait pas les textes que disent les textes, hein, sur les intérêts. Il croyait seulement que c'était comme ça, hein, mais il n'y avait pas vraiment la science. Il n'y avait pas vraiment la science. Non. Je dis à cette personne de ne pas s'arrêter, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala pardon et de voir, inshallah ta'ala, comment essayer de trouver une solution pour payer le plus vite, inshallah ta'ala. Donc, question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que celui qui ne fait pas de rêve prémonitoire ne peut être considéré comme un élu d'Allah? Est-ce que donc cela veut dire qu'il est élu de Shaitan? Barakallahu fikum wa jazakum Allah, qu'Allah vous préserve. Tfadal cher. Non, pas évidemment. Non, non. C'est pas évident que tout celui qui n'en fait pas, ça veut dire c'est pas un élu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Mais je dis que plus la personne, yani son cœur ne vit que pour Allah subhanahu wa ta'ala, et plus cette personne est pieuse, plus les rêves prémonitoires le prémonitoire ou le préminatoire ou le mohim, ça commence à quoi? Ça commence à venir. Non, ça commence à venir bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit la fois passée, le prophète sallam a dit astaghfirukum hadithan, il a dit plus l'un d'entre vous est véridique dans ses paroles, plus ses rêves deviennent véridiques, plus ses rêves deviennent préminatoires. Donc, ça ne veut pas dire que si on n'a pas ce rêve, qu'on n'est pas un élu. Non, il y a des gens qui ont rarement ces rêves. Non. Mais plus la personne ne pense qu'à Allah, qu'à l'au-delà, qu'à ravir Allah, non, son cœur est vide de la dunya, plus ses rêves, inshallah ta'ala, commencent à venir. Non. Question suivante. Salamu alaykoum, cher. Qu'Allah bénisse notre prophète et qu'Allah vous préserve dans son obéissance. J'ai entendu qu'une chose dans la Aqidah se divise en science, livre, volonté et création. Quelle est-elle? Je peux me trouver sur une des quatre choses. Ma mémoire me fait défaut, qu'Allah l'améliore, barakallahu fikoum, et qu'Allah vous guérisse. Tfadha, cher. Si tu as compris la question, résume-la moi, barakallahu fik. Cher, il dit, j'ai entendu qu'il y a une chose dans la Aqidah qui se divise en livres, en sciences, volonté et création. Et il demande quelle est-elle? Voilà, c'est ça la question, cher. Tafadda, cher. C'est le destin. C'est le destin qui se divise en ces quatre choses. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala l'a écrit, Allah ta'ala a la science, Allah ta'ala la femme, il a la volonté pour le faire, Allah ta'ala l'exécute. Hein? Ce sont ces quatre choses qui ont rapport avec le destin bi-idhnillahi ta'ala. Tafadhal. Question suivante. Assalamu alaikum, cher. Qu'Allah vous accorde al-Jannah ainsi qu'aux admins. Par rapport au verset où Shaitan n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient en Allah et placent leur confiance en Allah, est-ce le fait que l'on ne place Allah, cela peut-il être une cause que Shaitan ait un pouvoir sur nous? De quoi est-il question lorsqu'on dit que Shaitan, qu'Allah le maudisse, ait pouvoir sur nous? Pouvez-vous me faire dua pour qu'Allah me facilite le hifz al-Qur'an et l'apprentissage de la langue arabe avec sincérité? Qu'Allah vous récompense. Tafadhal, cher. Pour tous ceux qui nous font des doigts, amin et à vous tous et toutes. Amin et à vous tous et toutes. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal, le Tout-Puissant, exaucer le souhait de notre frère ou sœur qui a posé la question. Frère ou sœur qui a posé la question. Non. Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le verset que le shaitan avait quoi? Avait le dessus et la victoire sur yani, les gens qui remplissent deux conditions. Ceux qui le prennent comme allié, prennent le shaitan comme allié, non? Et il a dit, et ceux qui l'associent. L'associent. C'est-à-dire que quand une personne place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de l'aider, Allah ta'ala regarde dans son cœur et voit que cette personne est sincère, qu'elle veut se rapprocher encore plus, qu'elle veut avoir le paradis, qu'elle veut le visage d'Allah, qu'elle veut l'au-delà, qu'elle veut toutes ces choses-là, elle a placé sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et lui a demandé de l'aider. Allah ta'ala ne va pas yani, la délaisser. Il va l'aider. Il aime ceux qui l'aiment. Il aime ceux qui veulent se rapprocher de lui. Nam. Si maintenant la personne, nam, son pouls éperdument, ne fait aucun effort, son cœur est, yani, émietté, il est en miettes. Nam. Une miette pour la dunya, une miette pour les habits, une miette pour les bijoux, une miette pour. Elle ne pense qu'à ça. Elle n'a pas l'au-delà dans son cœur, elle n'a rien. Celle-là, c'est le shaitan qui a habité son cœur. Celle-là, elle n'a pas laissé de place pour Allah ni pour l'au-delà. Celle-là, c'est le shaitan qui aura le dessus sur elle. C'est lui qui yani, sera son allié. Et elle sera un bien-aimé du shaitan. C'est lui qui va la guider. Allah Ta'ala va se désavouer d'elle. Il va la laisser, la délaisser au shaitan. Car ou bien, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est avec la personne et ses anges, et c'est lui qui guide, ou bien il délaisse la personne, il la laisse avec les démons, les tentations et les passions, ou les yadou billah. Et la personne, alhamdoulilah, Allah Ta'ala lui a donné le choix. Ce n'est pas une contrainte. Non, ce n'est pas une contrainte. Tu es enfanté par tes parents, tu te trouves sous la contrainte du shaitan. Non. Quand tu deviens pubère, c'est toi qui choisis. Je suis dans la rue, je ne sais pas, la rue Saint-Jean, à droite. Je vois là-bas un bar, là-bas à gauche, je vois une mosquée. C'est moi qui choisis. Est-ce que je vais au bar, m'amuser, jouer, plaisanter et prendre une bière avec les amis? Ou bien je vais aller à la mosquée, faire les ablutions et faire la prière en groupe. C'est moi qui choisis. Tu as choisi la mosquée, Allah subhanahu wa ta'ala est ravi de toi, va t'aider, va te récompenser. Va t'ouvrir ta poitrine, va te faire descendre piété sur piété, foi sur foi, la saveur de la foi. Tu as choisi l'autre chemin, le chemin du bar, le chemin de la désobéissance. Allah Ta'ala va te délaisser, se détourner de toi et te laisser avec tes chayatines, tes passions, jusqu'à ce que la personne crève comme un chien et on la jette dans un trou, l'ayyadu billah. Puisque Allah Subhanahu wa Ta'ala nous. Et à raffermir nos cœurs jusqu'à ce qu'on le rencontre ravi de nous. Ce ne sont que quelques années. Et les années, ce sont des mois, et les mois sont des jours. Ça va passer très vite, et vous allez vous rappeler, vous allez vous rappeler, et dire, subhanallah l'adhim, comme c'est passé très vite. Hier, j'avais 20 ans, subhanallah l'adhim. Aujourd'hui, c'est 40, demain, c'est 50, 60, subhanallah l'adhim. Comme ça passe vite. Et la personne qui a obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois qu'elle pense à ces choses-là, elle va sentir yani, de la joie dans son cœur. Elle est toute joyeuse, toute heureuse. Et l'autre, elle mord c'est quoi? Elle mord ses doigts. Elle mord ses doigts. Les remords. Et peut-être même que c'est trop tard. Le cœur est dur, le cœur est dur, il est devenu comme de la pierre. Comment faire pour l'adoucir maintenant et l'attendrir? Celui qui passe des 50 ans ou là dans l'alcool et dans les grands péchés. Non, c'est pas facile pour revenir, Allah. Surtout celui qui passe sa vie à se droguer, à se piquer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une grande ni'ma. Une grande ni'ma. Il nous a choisi. Il nous a choisi pour faire partie de son hizb. De son parti, le parti d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'es pas du parti du shaitan. Le shaitan n'a pas le dessus sur toi. Le shaitan, tu es un. Tu n'es pas infaillible. Il te fait faire des fautes. Il te fait voir de temps en temps des choses haram. De temps en temps, tu dis des choses qui sont haram. De temps en temps, tu mens. De temps en temps, tu n'es pas infaillible. Mais, à chaque fois que tu fais la faute, qu'est-ce que tu fais? Tu reviens vers Allah Ta'ala en reconnaissant que tu es que tu es une personne qui fait des fautes, en reconnaissant que tu as un Seigneur qui pardonne les fautes, ou alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala efface et ainsi jusqu'à ce que tu le rencontres. Quant aux autres, l'ayadou billah, les autres, là, il ne faut pas les envier, Allah. Ils vivent vraiment, yani, ils vivent vraiment des cauchemars. Pourquoi, dites-moi, pourquoi du matin au soir, ils cherchent à boire de l'alcool et à danser, à rire et à plaisanter, à ceci, à cela. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que pour oublier, là, les malheurs qu'ils ont, yani, le cœur qui est gros, là, ils savent que, yani, ils ne savent pas plutôt, ils ne savent pas pourquoi ils sont là, pourquoi ils vivent. Qu'est-ce qui va se passer quand ils vont mourir? Pourquoi ils vont mourir? Tout ça, ce sont des questions auxquelles ils n'ont pas de réponse. Ils veulent l'oublier. Nam, laisse-moi oublier. Donne-moi de l'alcool, donne-moi de la drogue. Viens, on va danser, viens, on va plaisanter. Et on va ceci, juste pour oublier du matin au soir. Oublier, oublier, nam. Jusqu'à ce qu'ils se trouvent dans la, se retrouvent dans la tombe. Nam. Et ce jour-là, ils comprendront. Ça va le cher. Question suivante, cher. Salam alaikum, cher. Les rêves prémonitoires peuvent-ils arriver à des musulmans qui sont faibles dans la science et la foi? Est-ce une miséricorde d'Allah ou une turpitude de Shaitan? Tfadal, cher. Naam, les rêves prémonitoires, fais saut, fais saut. Écrit numéro 1. Les rêves prémonitoires, naam, peuvent arriver à une personne qui est faible de foi. Naam. Même faible de science. Même faible de science. Mais il faut faire la différence entre faible de foi et entre pervers. Quelqu'un qui n'arrête pas de faire les grands péchés. Il faut faire la différence. Je suis faible de foi, je sens que ma foi a régressé par exemple, mais je ne fais pas des grands péchés. Non. La fois passée, j'ai cité que c'était possible de temps en temps, mais c'est rare, mais ça arrive. Que Allah Ta'ala donne un rêve prémonitoire, même à un kafir, comme dans Sourate Yusuf. Même un kafir, Allah Ta'ala peut lui donner un rêve prémonitoire, soit pour yani, l'exhorter, soit pour yani, qu'il. Pour le mettre en garde, pour le mettre en garde. Non. Donc je dis une personne qui n'a pas beaucoup de science, il est possible qu'elle soit yani, une personne véridique. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de science, mais subhanallah, quand tu t'assois avec eux, tu discutes avec elles, ces personnes, tu sens qu'elles sont véridiques. Ce sont des gens, des personnes qui ne mentent pas, des personnes avec peu de science, mais mashallah. Yani, tu sens la foi chez ces personnes-là. Non, ce sont des personnes comme par exemple, je sais pas, ton grand-père, comme il y a certains qui sont, mashallah, même s'ils n'ont pas de science, ils n'ont pas beaucoup de. Ah, pas beaucoup de science et pas beaucoup de foi. Mashallah, des fois, comme j'ai dit, ils sont véridiques. C'est pour ça que, yani, on peut avoir des rêves prémonitoires. Des fois, Allah Ta'ala nous les donne pour nous encourager. Et des fois, il nous les donne pour nous avertir, comme avertissement. Comme avertissement. Et moi, ça fait seulement peut-être 10 jours, peut-être 10 jours ou 15 jours, j'ai fait un rêve. Ça, je ne sais pas si c'est prémonitoire ou pas. J'ai fait un rêve que j'étais mort. J'étais mort et dans la mort, c'est-à-dire me voyant dans le rêve mort, j'étais content. J'étais content et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala d'être mort. Normalement, quand on est mort, peut-être on n'aime pas mourir. Je ne sais pas pourquoi. Dans le rêve, je me suis vu mort et j'ai dit Alhamdoulilah que je suis mort. C'est-à-dire que peut-être Allahu a'lam, peut-être que yani, une bonne mort. Allahu a'lam. Tafadhal. Une question suivante, cher. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikoum pour ce cours, masha'Allah, qu'Allah vous récompense. Je voulais savoir, ayant fait la hijra au Maroc et étant converti, dois-je privilégier l'apprentissage de la langue arabe et de la science en merkaz, ou dois-je faciliter ma hijra en sachant que j'ai de petits moyens financiers et une famille à charge? Qu'est-ce qui passe en priorité? Jazakumullahu khairan. Tfadal, cher. Il y avait une coupure dans ma question, ce qui a fait que je n'ai pas entendu son début. Jazakallah, si tu pouvais recommencer, pardon. Naam, cher. Je voulais savoir, ayant fait la hijra au Maroc et étant converti, dois-je privilégier l'apprentissage de la langue arabe et de la science au Merkaz, ou dois-je faciliter ma hijra en sachant que j'ai de petits moyens financiers et une famille à charge? Qu'est-ce qui passe en priorité? Tfadal cher. Muslim, reprends-moi si je me suis trompé. Donc cette personne a déjà fait la hijra. J'ai cru comprendre qu'elle voulait la faire. Donc elle a fait la hijra et ayant peu de moyens, elle dit est-ce que c'est pour doit les employer pour la science ou bien surtout pour la famille? Est-ce ça? C'est ça la question, Inch'Allah? Si oui, écrit numéro 1. Entre autres, cher. En fait, moi, je comprends dans le sens de sa question. Il a des petits moyens et il demande si, avec ces moyens-là, est-ce qu'il doit privilégier donc l'apprentissage, donc payer, je pense, l'accès à la science, etc. Ou alors faciliter sa hijra, c'est-à-dire peut-être d'investir dans un travail ou dans un local, etc. Ce qui lui permettrait de mieux vivre là-bas où il se trouve. Wallahu alam, c'est comme ça que j'ai compris la question, cher. En fait, tant qu'il n'y a pas des détails, ce n'est pas facile à comprendre cette question. Tant qu'il n'y a pas des détails, ce n'est pas facile à comprendre cette question. Mais je dis, Allah subhanahu wa ta'ala, la personne essaie de concilier entre les deux. D'un côté, demander la science, qui est une chose plus importante que le fait de respirer. Demander la science, c'est plus important que de respirer. Quand je peux respirer, si je ne respire pas, je meurs. Enfin, je meurs. Mais si je n'ai pas de science, à quoi ça sert de vivre? De vivre comme ça, comme un animal. Bon, mieux mourir, non, que de vivre comme un animal. Et aussi, en même temps, je ne dois pas, je ne dois pas, léser ma famille. Surtout quand je suis dans la hijra. Je rappelle à ce frère que, étant dans la hijra, ce n'est pas facile. L'épouse maintenant est loin de ses parents. Les enfants sont loin du milieu où ils sont nés, où ils ont l'habitude de jouer avec leurs amis, etc. etc. Donc j'aurais besoin de faire des efforts pour leur faire oublier, pour leur faire oublier et les faire patienter dans un pays qui n'est pas le leur. Dans un pays qui n'est pas le leur et un environnement qui n'est pas aussi le leur. Donc ça a besoin d'argent pour que je les fasse sortir, pour que je les fasse aller promener pour que je les prenne en week-end à la forêt pour ceci, pour cela, pour leur faire oublier Bidna Ta'ala. Quant à la science, Inch'Allah Ta'ala, je ferai aussi un possible pour apprendre, surtout que maintenant, Alhamdoulilah, il y a beaucoup d'issues pour apprendre, Inch'Allah Ta'ala, gratuitement. Non. Tu vas dans n'importe quelle mosquée, tu demandes à quelqu'un qui connaît bien l'arabe de te faire apprendre l'arabe, je peux juré par Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant d'ici, que surtout, sachant que tu es un reconverti, qu'il te fera apprendre l'arabe sans prendre aucun sou bi'idhnillahi ta'ala. Non. Parce que tu trouveras toujours des gens qui sont sincères et qui veulent travailler pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tafadhal. Question suivante. Assalamu alaikum. En ce qui concerne le fait de condamner le blâmable, comment se comporter avec un frère de sang qui a arrêté de prier, qui connaît le dîn, car autrefois il pratiquait. Aujourd'hui il va avec les femmes dans les endroits interdits, s'épile les sourcils, vient très rarement visiter sa mère et pas du tout ses frères et sœurs. Il est dans son monde et lorsqu'on lui fait nasiha, il dit: c'est pas comme ça, il faut de la hikma. Il s'en va alors que la personne n'a pas été dure avec lui, mais essayer de lui ouvrir les yeux étant donné qu'il connaît le haqq. Comment doit-on se comporter avec cette personne? Barakallahu fikoum. Tfadashir. Justement, c'est comme ça qu'on se comporte avec lui. On ne peut pas le contraindre. Sauf si on était qui, par exemple? Si on était un des deux hommes. Ou bien, par exemple, son père. Et que on a toujours pouvoir sur son enfant. L'enfant, quand il atteint un certain âge, tu n'as plus le pouvoir sur lui, que tu le veuilles ou pas. Tu comprends? L'enfant, quand il atteint un certain âge, tu n'auras plus le pouvoir sur lui, que tu le veuilles ou pas. Surtout un garçon, je parle du garçon. Et malheureusement, les filles, yani, au moins dans les pays musulmans, plus ou moins. Plus ou moins, il n'y a pas de loi qui leur donne toute la liberté comme en France. En France, je crois, à 16 ans, les 18 ans, elles déposent une plainte contre ses parents, ils se trouvent en prison, les iyadou billah. Si jamais en Algérie, une fille va déposer plainte contre ses parents parce qu'il ne la laisse pas sortir, c'est elle qu'on va emmener en prison. C'est elle qu'on va emprisonner. Alhamdoulilah qu'on a toujours réalisé ces habitudes, disons. El Mouhim. Donc, le premier, c'est le père. Le deuxième, c'est qui? C'est le juge musulman. Le juge musulman en islam, il l'appelle. Il a appris que cette personne ne faisait pas la prière, il l'appelle. Il lui donne 3 jours pour commencer la prière. S'il commence pas, c'est yani, c'est grave pour lui. C'est grave pour lui, il sera tué bi-idhnillah. Pourquoi? Car il n'a pas fait le pilier de l'islam qui est la salat. Mais maintenant, tant qu'il n'y a pas le juge musulman qui peut appliquer cette chose, c'est interdit pour nous d'appliquer cette chose sur lui. Il ne reste que quoi? Que de parler. De parler, de faire des doigts, et de parler avec lui, avec hikma, avec. S'il revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le gagnant, et nous aussi, pour lui avoir fait la dawa. S'il ne revient pas, c'est nous les gagnants, pour avoir fait la dawa, et c'est lui le perdant. Nous, on ne perd rien. On ne perd rien. Je vous donne un exemple très simple pour que vous compreniez. J'ai un frère, j'ai un petit frère. Un petit frère, comment ça s'appelle? Un frère de père. Un frère de père seulement. Comprenez? Un frère de père seulement. Qui a à peu près 22 ou 23 ans. Il fait la salat 15 jours, voilà, demi-frère. Il fait la salat un mois, ensuite il ne fait pas 6 mois. Ensuite il fait 15 jours, ensuite il ne fait pas 3 mois. Ensuite il reste 2 ans, il ne fait pas. Ensuite il fait une semaine, ensuite. Celui-là, tu peux pas chaque fois. Yani, quand tu vois, tu dois demander. Alors, il est dans quelle période? Il fait ou il fait pas? Ah, il fait pas. Donc, je vais lui parler. Ensuite, 2 jours après, il fait pas. Tu peux pas, yani, passer tout ton temps à yani, chercher s'il fait, s'il fait pas. Ensuite, à force de lui parler, lui parler, lui parler, et tu vois que il fait pas. Ensuite, tu commences à prendre l'habitude de ne plus lui parler. De ne plus lui parler, c'est-à-dire de la salade. Tellement, il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. Le mieux serait de ne pas désespérer, de parler tout le temps. Et des fois, quand on voit qu'il n'y a rien, tu parles, il n'y a rien, il arrête, il reprend, il arrête, il reprend, il arrête, il reprend. Ensuite, là, tu n'as plus envie de parler. Même l'envie, tu ne l'as pas des fois. Tu sais que tu vas parler dans le vide. Même si, entre parenthèses, Inch'Allah, tu as des récompenses. Mais je dis, on essaie toujours de parler avec Hikma, surtout quand l'occasion se présente. Surtout quand lui, la personne, veut, ou la pose une question, ou la est dans le problème. Il faut profiter des moments de faiblesse de la personne. Quand elle a des problèmes, quand elle est malade, quand elle fait un accident, quand elle est faible. C'est là qu'il faut profiter pour faire la da'wah, Inch'Allah ta'ala. Question suivante. Salam alaykoum, cher. Mon oncle vivait dans la maison que mes parents ont construite en Algérie. Le jour où mon père a voulu la récupérer, mon oncle lui a réclamé une somme importante d'argent. Mon père n'a pas voulu le payer et après cela, ils ne se parlaient plus. Ma mère a donné cette somme d'argent à la place de mon père en faisant croire à mon oncle que ça venait de mon père. Et mon père n'est au courant de rien. Mais comme mon oncle est sorti, mon père croit que cela vient de son plein gré. Et maintenant, ils sont réconciliés grâce au mensonge et grâce à l'argent de ma mère. Ma mère demande si elle a mal agi et si elle doit leur dire la vérité. Tfada, cher. Mousseline, si tu es là, tu as perdu le micro. Non, cher, je suis là, j'ai lu toute la question. Si vous n'avez pas entendu, dites-le moi, Inch'Allah, je répète. Répète seulement la fin lorsque tu as dit mensonge. Tu as dit il y a eu des mensonges. Non, la fin de la question. Ma mère a donné cette somme d'argent à la place de mon père en faisant croire à mon oncle que ça venait de mon père. et mon père n'est au courant de rien. Mais comme mon oncle est sorti, mon père croit que cela vient de son plein gré. Et maintenant, ils sont réconciliés grâce au mensonge et grâce à l'argent de ma mère. Ma mère demande si elle a mal agi et si elle doit leur dire la vérité. Tafadal cher. En fait, il y a une chose importante. Laquelle? Il y a une chose importante, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith qu'a rapporté Cheikh Al-Albani, rahmahullah, dans Silsila Sahiha, que la femme ou bien l'épouse, n'avait pas le droit, non, de donner de son argent, ou de dépenser de son argent, si elle croyait en Allah Ta'ala au jour dernier, sans le consentement ou bien sans, disons, la science de son mari. Sans la science de son mari. Si on va prendre de ce hadith, on va dire qu'elle ne devait pas donner sans le consentement de son mari. Elle aurait dû d'abord demander l'avis de son mari. Mais maintenant qu'elle a déjà fait, elle l'a fait pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, et elle l'a fait pour la réconciliation, etc. Naam, c'est pas la peine aussi de le dire au mari. C'est pas la peine pour ne pas rentrer dans les problèmes aussi. Maintenant, après l'avoir fait, elle prend du deuxième avis. Le deuxième avis qui dit que c'est permis à une femme de déposer son argent, car c'est son argent, sans que son mari yani, le sache. Et ils se sont basés sur le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi il a fait salat l'Aïd, il a fait la khutba de l'Aïd aux hommes. Ensuite, il s'est rapproché vers les femmes. Il a dit que yani, j'ai vu que vous étiez, la plupart de vous étaient en enfer. Elles ont dit, pourquoi, Rasulallah? Il a dit que yani, vous ne reconnaissez pas le bien du mari, que vous connaissez le hadith. Ensuite, il a dit, il a dit, faites de l'aumône. Et elles ont commencé à enlever leurs bracelets et leurs quoi? Leurs bracelets et leurs boucles d'oreilles. Et les mettre dans le qamis de Bilal qui le tendait aux femmes pour qu'elles mettent les bijoux à l'intérieur. De ce hadith, les savants ont dit, ces femmes-là n'ont pas demandé l'autorisation à leur mari. Elles ont donné sans le consentement de leur mari, donc c'est possible. Et ceux qui ont réfuté cette preuve, ils ont dit, ça c'est spécial, c'est un cas spécial. Car le prophète, quand il demande une chose, aucun homme ni femme n'a le droit de refuser. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Si Allah Ta'ala ou son prophète ordonne une chose, aucun homme ou femme, mu'min, croyant, n'a le droit de contredire ce qu'il fait. Elle m'a mis une divergence en celle-là. Je dis à cette femme qui a fait du bien, inshallah ta'ala, dans son intention, de camoufler l'affaire et de. C'est pas la peine de raconter, inshallah ta'ala. Voilà. Question suivante. Salam alaikum Shir, nous sommes 9 frères et sœurs, 5 sœurs et 4 frères, nés en France, tous majeurs, et 2 d'entre nous sont non musulmans. Notre mère qui habitait elle aussi en France est décédée il y a environ 2 ans. Elle s'est convertie une semaine avant de mourir. Alhamdulillah, masha'Allah. Elle a laissé en héritage une maison. Elle nous a dit avant de mourir qu'il fallait que quelqu'un de ses enfants l'achète, ou bien qu'on la vende à un étranger et qu'on la partage. Depuis, un de mes frères habite dans la maison et s'oppose à la vente de la maison. Nous ne pouvons pas avoir recours à la charia pour le partage, car dans mes frères et sœurs, il y en a qui ne veulent pas. Peut-on procéder à un partage selon les lois de la France, sachant que dans ce cas, les 2 personnes non musulmanes de ma famille vont toucher une part de l'héritage et que les femmes vont avoir autant que les hommes. Alhamdulillah, apparemment, c'est une famille de convertis, mashallah. Tfadal Cheikh. Cette femme, mashallah, s'étant reconvertie, surtout une semaine avant sa mort, c'est inshallah ta'ala sallam d'Ali, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est ravi d'elle. Car dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique, quand Allah Ta'ala veut du bien d'une personne, il l'emmiel. Il lui met du miel. Ils ont dit, Que veut dire omiyede ya Rasulallah? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala lui, attendez, cherche le mot, mettra dans son cœur, Allah Ta'ala met dans le cœur de la personne qu'elle fasse une bonne action pour qu'il lui ôte son âme en plein adoration. Subhanallah l'Azim. Celle-là, Allah Subhanahu wa Ta'ala lui a mis dans son cœur non seulement qu'elle fasse une bonne action, mais la meilleure des actions, de rentrer en islam et de se désavouer du shirk et du polythéisme. Au lieu d'aller vivre éternellement en enfer, Allah Ta'ala a voulu à cette personne qu'elle aille vivre éternellement au paradis. C'est vraiment, yani, une grâce d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, et une grâce, et pas du moindre, et pas de la moindre. Masha'Allah alia. Al-Muhim, étant maintenant musulman, non, donc, ne doit l'hériter que les musulmans dans la charia. C'est-à-dire que les deux frères ou trois frères qu'il a cités comme quoi ce sont des kofars, normalement, ils n'ont pas droit de l'hériter. Et si maintenant les autres vont l'hériter, ils l'hériteront en prenant quoi? Le garçon prend le double de la fille. Le garçon prend le double de la fille. Et son mari, celle-là aussi, ne peut pas l'hériter car c'est un kafir, je pense. Allah Ta'ala. Et maintenant, ils ne peuvent pas appliquer la charia. Non, ils ne peuvent pas appliquer la charia. Comment qu'ils vont faire donc maintenant pour prendre ce qui leur est de droit? Comment qu'ils veulent? Je ne vois pas de solution. Est-ce qu'il y a une solution à part que de s'accorder? À part de s'accorder et de dire, moi je prends cette part, et toi tu prends cette part, et toi tu prends cette part, et comme ça. Il n'y a pas d'autre solution. Comment tu vas faire? Tu vas appliquer la charia avec les kuffars, ils n'acceptent pas. Non. Donc tu dois, Yannick, te désister de certaines parts. Non. Si tu devais prendre un chaf 10 000 euros, tu ne vas prendre que 1 000 ou 2 000. C'est tout ce que tu peux prendre. Non. Tu ne peux pas prendre ce que Allah Ta'ala t'a donné. L'essentiel, donc, c'est quoi? C'est de faire ton possible pour que tu ne prennes pas plus que ce que t'a donné Allah Subhanahu wa Ta'ala si tu avais hérité un héritage islamique. Donc, voilà la règle. Fais des calculs et vois combien tu vas prendre. Et fais de sorte que tu ne prennes pas plus que ce que te donne la charia. Maintenant, si tu vas prendre moins, c'est pas de ta faute. Ce qui te manque, tu le prendras, inshallah ta'ala, dans l'au-delà. Question suivante. Salam alaikum. Barakallahu fikum pour votre cours. Nous sommes en France et mon mari construit une maison pour aller faire la hijra. J'aimerais savoir si j'ai le droit d'imposer à mon mari d'avoir ma propre partie dans la maison qu'il compte construire, car il a décidé de prendre une autre épouse. Entre parenthèses, pas encore de mariage. Il souhaite que moi et la co-épouse vivent dans la même maison et qu'on partage certaines pièces, comme la cuisine et les chambres pour les enfants, mais moi je ne suis pas d'accord. Ai-je le droit d'avoir ma propre partie, car il dit qu'il n'a pas les moyens de faire toutes ces pièces. Barakallahu fekoum. Tfadal cher. Non, tu as le droit, inshallah ta'ala. Et ce qui est bien encore, c'est si c'est possible, non, c'est si c'est possible, je dis, d'avoir un mur qui sépare avec deux entrées. Avec deux entrées. Ce serait encore la meilleure des choses, même si toi tu dis que moi je ne cherche pas d'espace. Moi je ne te dis pas qu'il me faut trois pièces ou là. Non, mais allez, juste une pièce et une cuisine. Mais je voudrais être seul. Un mur qui nous sépare et chacune a son entrée. C'est la meilleure des choses pour les co-épouses. Qu'on le veuille ou pas, les co-épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient des problèmes. Les co-épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient des problèmes et même des fois de grands problèmes. Entre Aïcha radiallahu ta'ala anha et des fois Zaynab et surtout Hafsa. Il y avait même comme Adi Salama, elle avait dit, il y avait deux clans. Le clone de Aïcha et le clone de l'autre, je ne sais pas qui est la cité. C'est le moyen. Il y avait deux clans, yani, très clairs. Donc, dos à dos, les femmes du prophète, alayhi salatu salam. Qu'en est-il, yani, mon épouse et ma soeur et ma tante et ma femme? Donc, elle dit, moi, alhamdoulilah, je ne peux pas interdire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis. Naam, j'aurais pu, si j'avais voulu, pendant l'acte de mariage, faire comme condition que je me marie avec toi, condition que tu ne prennes pas une deuxième, comme je dis Cheikh Ben Othaymine, je ne l'ai pas fait, j'accepte que tu te maries avec une deuxième, mais je ne suis pas obligé de vivre avec elle dans la même maison et de partager la même cuisine et de partager peut-être la même chambre et ceci, cela. Je voudrais une petite pièce, une petite cuisine, toute seule. Naam, quand tu es toute seule dans ta maison, même si elle est petite, tu sens que c'est le paradis. C'est mieux que une villa de 10 pièces partagée entre deux co-épouses. Naam, toute seule dans une pièce, mieux qu'une villa avec une co-épouse. Tfadlak. Une question suivante, cher. Afan, cher, j'étais en train de voir un PV. Ouvrez-moi le PV, cher, et ne fermez pas la room de suite, Inch'Allah. Et je vais vous envoyer ce que vous aviez demandé concernant le prophète Uzair. Donc ouvrez-moi le PV, Inch'Allah, je vous envoie ça avant de fermer la room. Une question suivante, Inch'Allah. Salam alaikum, cher. Une sœur avait reçu Zakat el-Fitr alors qu'elle n'est pas pauvre. Elle ne travaillait pas à l'époque, mais elle avait une aide sociale. Mange-t-elle du feu? Que doit-elle faire? Car il lui reste plein de nourriture, en sachant que les vrais pauvres en France, il n'y en a presque pas. Car il existe des aides sociales pour tout le monde, et les clochards dans la rue ne sont pas musulmans, ou pas pratiquants, ou ils peuvent mentir aussi. Barakallahu fikoum. Fadal. Salam alaikum, Muslim. Tu es là? Fadlan, répète la question, je me suis déconnecté. Barakallahu fik. Naam, cher, je la répète, Inch'Allah, et n'oubliez pas de m'ouvrir le PV. Salam alaikum, cher. Une soeur avait reçu Zakat el-Fitr alors qu'elle n'est pas pauvre. Elle ne travaillait pas à l'époque, mais avait une aide sociale. Mange-t-elle du feu? Que doit-elle faire? Car il lui reste plein de nourriture, en sachant que les vrais pauvres en France, il n'y en a presque pas, car il existe des aides sociales pour tout le monde et les clochards dans la rue ne sont pas musulmans ou pas pratiquants, ou ils peuvent mentir aussi. Barakallahu fikoum. C'est juste pour mettre une précision personnelle. En France, il y a également des nécessiteux musulmans. Et moi, personnellement, cher, les nécessiteux, je les ai trouvés par exemple à l'université. L'université, il y a beaucoup de personnes qui viennent de l'étranger, qui viennent étudier, et ils ont tout juste les moyens pour arriver ici. Donc ce sont des nécessiteux, wallahu alam, s'ils pouvaient, si quand vous donnez Zakat el-Fitr, vous ne trouvez personne, rapprochez-vous de ceux qui viennent de l'étranger, Inch'Allah. Tfadha, cher. La personne, quand elle a pris Zakat el-Fitr, c'est-à-dire que, non, Muslim, la personne, quand elle a pris la Zakat el-Fitr, c'est-à-dire qu'elle l'a pris en sachant que elle ne méritait pas, ou bien quand elle l'a prise, elle méritait. Et c'est la question que je pose. Ah, donc je demande à la personne de donner la précision au frère Akh Mohamed 64, Inch'Allah. Ah, donc elle me répond en PV, cher. Elle m'a dit, on m'a dit, car je ne travaillais pas et j'avais le droit à ça. L'argument, c'était qu'elle ne travaillait pas et donc elle pouvait recevoir Zakat el-Fitr. Tfadha, cher. Je repose une question. Quand elle ne travaillait pas, elle avait les osmo. Elle avait l'aide de l'État, n'est-ce pas? Réponds-moi. Naam, elle le dit, cher, dans la question, elle percevait une aide sociale. Naam, donc elle percevait quelque chose. Je venais d'emménager aussi, j'avais des frais au début, plus qu'avant. Voilà ce qu'elle met dans le PV. Au bout d'un mois de location. Voilà dans ce que Chir veut savoir, c'est si au moment où vous avez reçu le Zakat el-Fitr, est-ce que vous étiez nécessiteuse ou pas? C'est ça qu'il veut savoir. Est-ce que vous étiez nécessiteuse ou pas? Tfadal, Chir. Moi, j'étais ouvert le PV. Hein. J'étais ouvert le PV, je n'ai encore rien reçu. Je voudrais lire si c'est quelque chose qui apporte une faïda à tout le monde. Au moins, on va le lire dans la forme, Inch'Allah. Je veux dire à la personne qui a pris Zakat al-Fitr et qui, au moment où elle l'a pris, elle sentait que yani, elle remplissait les conditions. Donc, Inch'Allah, il n'y a aucun problème. Les savants ont dit que quand on prend Zakat al-Fitr, même si en la prenant, on devient riche, là, c'est toujours permis de prendre. C'est-à-dire que maintenant, j'ai pas beaucoup de moyens. Celui-là, il m'a donné zakat fait, celui-là m'a donné zakat, ou bien même la zakat d'argent. Ensuite, je suis devenu riche. Il n'y a aucun problème. L'essentiel, c'est au moment de prendre, yani, je méritais, Inch'Allah ta'ala. Elle, la personne dit que, yani, elle recevait, je crois, une aide sociale qui lui suffisait pas, ou bien ne recevait pas. Elle a senti au moment de prendre qu'elle méritait. Donc, Inch'Allah, il ne faut pas qu'elle ait maintenant des hausses. Voilà. Non, cher, pour que je puisse vous l'envoyer, Inch'Allah, il faut que vous soyez en ligne. Barakallahu fikoum, je vous l'envoie de suite. Je fais vite. Voilà, cher, je vous ai envoyé, je ne sais pas si vous avez reçu. Tfadal, cher. Je pense que c'est bon, Inch'Allah. J'ai oublié de te dire, envoie-moi seulement le fichier sans le virus. Hein? Envoie-moi seulement le fichier sans le virus. Barakallahu. Trop tard, cher. C'est déjà envoyé. Et ça me fait penser, cher. Il y a eu un nouveau virus qui a été diffusé récemment. Et les personnes ici en France, ils avaient un message qui se mettait sur l'écran de la gendarmerie qui nous demandait en fait de payer une certaine somme parce qu'ils nous avaient vu faire certaines choses sur Internet. Et s'ils ne payaient pas, ils ne retrouvaient pas son accès à Internet. Et certaines personnes sont parties payer cette somme. Là, nous stand. Tfadal, cher. Donc, je vais lire ce qu'il y a ici, une seconde. Donc, c'est dit, en ce qui concerne Ouzair, Inch'Allah ta'ala, Ibn Kathir, rahimahullah, rapporte dans Qisas al-Anbiya, plusieurs avis. Certains rapportent qu'il ne fut pas un prophète, et d'autres le contraire. Cependant, l'avis le plus fort est qu'il fut un prophète. Ibn Kathir cite le hadith suivant. Il a cité la page et le numéro. Que le prophète Aslam a dit qu'il y avait un prophète qui s'est mis sous un arbre et fut piqué par une fourmi. Il ordonna qu'on sorte ses biens de sous l'arbre, ce qui fut fait. Puis il ordonna qu'on brûle toute la fourmilière. Allah lui révéla alors pourquoi n'as-tu pas châtié qu'une seule fourmi? Sahih Muslim numéro 2241. Puis Ibn Kathir a dit, non, il a dit, donc on a, je dis en français ce qu'il a dit. Il a dit, d'après Mujahid, non, d'après Jurayj, d'après Abdul Wahhab ibn Mujahid, d'après son père, que ce prophète c'était Ouzayr. Et ça a été même raconté par Ibn Abbas ou Hassan al-Basri. Inna Ouzayr, Wallahu subhanahu wa ta'ala, alam. Naam. Moi j'ai juste une petite remarque ici. J'ai juste une petite remarque ici, Inch'Allah ta'ala. C'est que ce qu'a dit ici Ibn Kathir, il a dit que certains ont rapporté que ce prophète qui a été mordu par une fourmi, que c'est Ouzayr. C'est comme ça qu'il a dit. Je dis que, Inch'Allah ta'ala, ce n'est pas l'avis le plus fort. Ce n'est pas l'avis le plus fort. L'avis le plus fort, Inch'Allah ta'ala, comme c'est dans Fath al-Bari, Sharh Sahih al-Bukhari, l'avis le plus fort, que ce Nabi, ce prophète, qui a été mordu par une fourmi, s'appelle Yusha ibn Nun. Yusha ibn Nun. Et c'est lui-même qu'on trouve son histoire dans Sourate al-Kahf, le vali de Moussa. C'est lui-même le vali, c'est Yusha ibn Nun. Et c'est lui qui a été mordu par la fourmi. C'est lui. Et c'est lui encore qui a fait, qui est parti à la guerre sainte. Et il a dit au soleil, il lui a dit, moi j'ai été ordonné et toi tu as été ordonné. Non, mais toi tu as été ordonné. Et il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de faire arrêter le soleil jusqu'à ce que la bataille se termine. Car si le soleil se couche, il va faire nuit, ils ne vont pas gagner la bataille, ils vont être vaincus. Il a demandé à Allah ta'ala d'arrêter le soleil, il l'a arrêté. Allah ta'ala a arrêté le soleil. Et Yusha ibn Nun lui a parlé, il lui a dit, toi tu es ordonné, c'est-à-dire tu as l'ordre de marcher du levant vers le couchant, et moi aussi j'ai l'ordre de faire la bataille, d'aller faire une guerre sainte. Et celui qui t'a ordonné, c'est Allah. Celui qui m'a ordonné, c'est moi aussi, c'est Allah. Donc, nous sommes égaux dans cette chose-là. Subhanallah. Voilà, inshallah. Donc, reste toujours, est-ce que c'est un prophète ou c'est pas lui? Reste toujours la question posée, est-ce que c'est un prophète ou pas lui? Et, comme j'ai dit la fois passée, la règle, c'est que ce n'est pas un prophète, jusqu'à ce qu'il y ait une preuve, inshallah, formelle, que c'est un prophète, bi-idhnillah ta'ala. On va arrêter, inshallah, ici. On va se donner, inshallah, rendez-vous samedi pour continuer, inshallah, inshallah, d'ici samedi. Je demande à Allah, Azzawajal, le Tout-Puissant, de raffermir nos cœurs et de nous aider dans la voie qui dans la voie de la guider et la voie qui mène vers son paradis et la voie qui éloigne de son feu. نعم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نوبلي با مسلم tu m'as dit de ne pas fermer le salon donc c'est toi inchallah ta'ala qui va fermer et je passerai le salam inchallah ta'ala à Abu Zakaria السلام عليكم ورحمة الله وبركاته